Yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. Cette couverture de la conférence d'Apple est une présentation de ClickPom, Reptile Tech, iRepair Montréal et le Front Créatif Montréal. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Mardi 10 septembre, il est midi 6 et vous écoutez le podcast sur la charte des valeurs québécoises. Non, c'est pas ça. C'est sur le lancement de NHL 2014. Non, c'est pas ça. Ah, c'est le lancement du iPhone aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Bon, je suis dans la bonne salle. Excellent. Bonjour tout le monde. Merci de vous être joints à nous. Vous êtes actuellement 102 personnes à nous écouter sur le canal YouTube. On a des petits problèmes avec le site web actuellement et vous pouvez aller directement sur le feed YouTube. Nos différents canaux vous ont donné l'adresse et vous pouvez aller directement là en regardant soit mon compte au Alex Cornelier ou le compte de Mac Québec. Donc, je disais merci de vous être joints à nous. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire sur Twitter. Le hashtag aujourd'hui, vous pouvez y aller directement avec le hashtag Apple. Donc, tu peux rajouter ça dans tes colonnes, mon cher Crapule. Ou PodMQ, si vous voulez qu'on reste entre nous. Le hashtag Apple? Oui, hashtag Apple, parce que tout le monde va être là-dessus, en fait. Rajoute-les à tes colonnes. Ça va rouler. Ça va descendre, oui. OK, je vais me rajouter une colonne indépendante parce qu'elle va être dure à suivre, celle-là. Juste pour ça. Aujourd'hui, Jean-François n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je vous présente tout de suite mes collaborateurs. En fait, quand on a demandé à Pierre-Carl Pelado qui était Jean-Michel, il a répondu « C'est mon pire cauchemar ». Jean-Michel Boily est avec nous. Salut, Alexis. Ça va bien, Jean-Michel? Oui, très bien. J'ai hâte de voir ce qu'Apple nous réserve aujourd'hui. On a tous très hâte. Et en remplacement de Jean-François, je suis allé chercher quelqu'un qui était aussi énergique que lui. Ce n'est pas un fanboy, ce n'est pas un expert Apple, c'est Monsieur le Stream en personne. Yann Thériault est avec nous. Yes, sir. Ça va bien, Yann? Oh, oui, ça va bien. Yann, pour ceux qui sont avec nous depuis un bout de temps, a déjà participé à nos événements dans les premiers temps parce que j'avais pas d'équipement audio. Fait qu'on a fait ça dans sa cave. C'était le premier événement, en fait, qu'on a fait. C'était très chouette. C'était-tu ton premier à toi? C'était mon premier à moi. Ah ouais? Que je faisais. Oui, je t'avais contacté parce qu'il y avait, à la dernière minute, il y avait toi que je connaissais qui pouvait pouler up. À côté de mon foyer, c'était tellement beau. Ben oui, c'était cool, c'était rustique. Tu vois, Steve, il a commencé dans son garage, puis toi puis moi, on a commencé dans ton garage. À côté de mon foyer. Pour ma part, je donne le cue à la régie, car les gens du Front Créatif Montréal sont avec nous. Vous ne pouvez pas les voir, mais François Dumoulin et Mathieu Marano sont avec nous. Et c'est à cause d'eux qu'on a cette si belle image et ce si bon son. On les remercie et on vous recommande, si vous voulez en savoir plus, sur tout ce qui est montage vidéo du côté de Apple, mais du côté PC aussi. Donc, montage vidéo pur, d'aller faire un tour sur le site du Front. On est rendu... Bon. On voudrait vous présenter, en fait, les gens qui ont rendu possible l'événement d'aujourd'hui. Vous avez entendu un clip fait par notre ami Bernard Ouellette en début d'émission. Donc, on aimerait d'abord remercier iRepair Montréal, le meilleur choix à Montréal pour la réparation de tous vos produits Apple hors garantie. Donc, iRepair est une compagnie qui fait de la réparation de produits iOS. Et dans les cas où vous auriez mis votre point à l'intérieur de votre écran, ils sont même capables de remplacer des écrans pour les ordinateurs portables d'Apple et autre chose. Donc, si vous avez un bris, téléphonez-leur. Souvent, sont capables de faire quelque chose et pour beaucoup moins cher. Des beaux produits aussi. On a le genre d'écran de couleur, là. Pour faire colorer ton iPhone, là, de manière permanente. Oui, si vous voulez que votre iPhone 4S soit gold, eux sont déjà capables de le faire. On tient à remercier aussi l'agence web ReptilTech, se spécialisant dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Vous pouvez visiter le site web pour plus de détails au www.reptiltech.com. Et la présentation d'aujourd'hui semble prendre beaucoup de jus. Ils ont peut-être, je ne pense pas qu'ils aient été pris de cours, mais ça peut arriver. Mais ils sont sur le cas en ce moment même pour rétablir le site web de Mac Québec. On aime ça, en fait, le faire planter. On trouve que ça veut dire qu'on a fait une bonne job au niveau des communications, des médias. Donc, exactement. C'était comme une confirmation là, qu'on a réussi là, à faire ce qu'on voulait faire. Excellent. Et ClickPom, solution informatique qui nous accueille dans leurs locaux. Donc, sont spécialisés dans l'intégration, le déploiement et le support de parcs informatiques Mac chez les entreprises et professionnels. Je devrais même pas être en train de lire ça. Je devrais le connaître par cœur parce que, full disclosure, je travaille pour ClickPom, solution informatique. Fait que, en fait, la commandite, c'est qu'ils me prêtent à Mac Québec pour la journée. Ah! Ben, ils prêtent les locaux aussi. Ouais. Bon, des petits... T'es-tu payé? J'ai pas encore réglé ça. Peut-être. Jean-Michel, ouais? Y a des nouvelles pour ce qui est de la planète Mac Québec? Exactement. En fait, aujourd'hui, on fait le lancement de la boutique Mac Québec, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des très beaux produits en bois fabriqués par David Yann Auclair de l'atelier du Vieux Rabot. Oui. Hey, d'ailleurs, j'ai pas mon uniforme. Oh oui, ça me prend mon uniforme. Jean-Michel non plus. Les femmes aiment les hommes en uniforme. C'est okay. Ça, c'est des produits en bois. On offre 3 produits au départ. 3 ou 4 produits. Oui. C'est ça. On a le support de chargeur qui permet de charger votre iPhone en l'accrochant sur le chargeur. Oui, un petit lit à iPhone qui s'attache, qui est très... moi, je le trouve très chouette, ce petit lit de iPhone-là. C'est pratique. Oui. Quand on est pour ne pas le laisser traîner par terre, on le rentre dans une prise de courant, ça le tient, et puis on branche le fil. Qu'est-ce qu'il y a aussi à la planche pour le iPad? On a 2 formats de planche pour l'iPad, en fait. Oui, il y a une planche pour le mettre, en fait, le tenir un peu comme un support d'iPad pour une table. Mm-hmm. Et on a le spécial La Galère. Donc, c'est une planche pour faire tenir son iPad dans le bain. Donc, on l'accote sur le bain. On a une encavure pour mettre l'iPad et on a même un petit support pour le verre de vin. Donc, c'est parfait pour écouter La Galère dans le bain. Et c'est tout disponible sur le site web de MacQuébec/boutique. C'est ça, à partir de maintenant. À partir de là. On lance ça maintenant. Là, c'est en primeur que vous apprenez. Partez pas du feed, mais vous pouvez ouvrir un autre onglet et aller voir les produits. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? On a un nouvel horaire pour le podcast. Oui. Un petit changement à ce niveau-là. Peut-être que certains des gens qui nous regardent aujourd'hui ne le savent pas, mais on produit un podcast aux 2 semaines. Mm-hmm. Donc, le prochain sera le... mardi 24 septembre. Oh oui, Jean-Michel. J'ai annoncé le changement en disant, en fait, on passe du mercredi au mardi. Voilà. Et puis, c'est à 20h au lieu de 21h. Maintenant. Oui, parce qu'on se couchait tard et vous aussi. Donc, à ce moment-là, c'est maintenant de 20h à 22h. Et on mixe, on avait 2 podcasts. Uh-huh. On avait le podcast Mac Québec et les amateurs de Mac Bonsoir. Maintenant, on mixe les 2 podcasts ensemble pour pouvoir jouer un petit peu avec le temps. Les semaines où est-ce qu'on aura moins de questions, on pourra aborder des sujets plus longs pendant le podcast. Puis si on a plus de questions, ben à ce moment-là, on va pouvoir les couvrir aussi. Donc, exactement. Un seul feed à s'abonner. Parce qu'il y a des semaines, il y a beaucoup de nouvelles, mais très peu de questions. Exact. C'était dur à remplir le bloc, là, tout pour les questions. Maintenant, ça va être plus flexible à ce niveau-là. Voilà. Ensuite de ça? Mac Québec a annoncé cette semaine un partenariat avec l'entreprise Piroxo, qui appartient à un de nos collaborateurs là, maintenant, pour une mise à jour majeure de l'application MQ Mobile. Oui. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais c'est plus un petit teaser. Là, surveillez ça là, dans les prochaines semaines. Mois. Prochaine semaine, prochain mois. Et puis, il y a une belle mise à jour là, qui s'en vient là, pour l'application MQ Mobile. Un des beaux projets. Régie, est-ce que le son serait revenu? Ben oui. Excellent. Mmh. Oui, ils nous entendent. Le front, c'est top. Et finalement, en fait, on voudrait annoncer, parce que là, on est en plein milieu de l'action. Ça va commencer dans à peu près une 40aine de minutes, d'après ce que je vois. Mm. Et Après l'annonce, en fait, il y a un raz-de-marée de déclarations sur Internet. Les médias sociaux s'emballent, tout ça. Donc, ce soir, Jean-François et Bernard Ouellet vont faire un podcast édition spéciale Aftermath. Donc, les retombées de la diffusion d'aujourd'hui. Et ils vont aller chercher sur Internet les réactions des gens, les cotes de la bourse de Apple se sont effondrées. Et on apprend toujours quelques petits détails à la fin de la journée quand l'événement est terminé avec les live blogging et tous les journalistes. Ouais, les journalistes ont le temps d'essayer les produits parce que quand ils sortent de la salle, habituellement les produits sont en démonstration, ils peuvent les essayer. Là. Exactement. Vraiment plus de détails que ce qu'Apple communique. Donc, si vous voulez faire une indigestion d'Apple aujourd'hui, ben on vous sert le buffet et vous pouvez écouter ça ce soir. Ça va être à la même adresse au www.macquebec.com/en-direct avec Bernard Ouellet et Jean-François Roy, notre collaborateur habituel. Il voulait pas passer une journée sans faire de podcast, fait que c'est Jean-François qui a eu l'idée de faire mais ça. Mais là, il est où, là? Il travaille. Ah. Voilà. Tu vois, toi, c'est pas important pas, pour lui. C'est pour ça que, oui, c'est important pour lui, mais c'est journée de vacances, de maladie et de congés sans solde ont tous été prises parce qu'Apple fait beaucoup d'événements pendant l'année. Puis je pense qu'il voulait s'en garder une. On va faire la file dans. Ben, on va ouvrir les paris. Donne une date comme ça, un guest educated. Quand est-ce qu'ils vont sortir le téléphone? Quand est-ce qu'ils vont sortir le téléphone? Ouais, aujourd'hui, ils l'annoncent. Ouais. La mise en vente. La mise en vente, d'après moi, j'ai aucune idée. Il n'y a pas eu de rumeurs sur des boîtes qui ont été reçues, rien. Fait que d'après moi, ça va être un petit mois. Un petit mois? Il n'y a pas eu de rumeurs, mais on a des statistiques là, des quatre dernières années. Ah ouais? Puis c'est quoi? On a un educated guest. Ça serait, toi, c'est quoi? Ça serait vendredi le 20 septembre à 8h. Vendredi le 20 septembre. Le 20 septembre? Au même moment où on verrait les nouveaux planchers du Apple Store à Montréal. Voilà. Ah, pour vrai? Ouais. Oui. Donc, théoriquement, si je réussis à être le premier, là, on est le quoi, je vais être le premier à mettre le pied sur le nouveau plancher du Apple Store. Ah ouais, c'est vrai. Toi, tu vas glander là des heures et des heures, hein? C'est sûr que dit de même, ça n'a pas l'air très, très... Pendant que tu négliges tes enfants, là, tu t'en vas attendre des heures et des heures au Apple Store pour être le premier. Oui, mais ma fille est rentrée à la maternelle, donc cette année, elle va skipper l'école et elle vient avec moi faire le 17 heures d'attente. T'en mettras en attendant pendant que tu vas faire tes pipis, chercher tes cafés. Là, fais-toi pas dépasser, impose-toi. Et donc, ça fait le tour des petites nouvelles pour Mac Québec. Monsieur Thériault, pour le stream, on va vous laisser une petite tribune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour le stream? Pour le stream, ouais. Non, ça continue. Là, on est revenu pas mal plus régulier. J'ai mon collaborateur, je pourrais quasiment le dire, quasiment à temps plein. J'ai Dan Delorme, puis HM Seb qui est là de temps en temps. HM Seb qui vient. Tu vois, ça se peut qu'on en fasse un ce soir. Je ne veux pas court-circuiter celui que vous allez faire à Mac Québec, mais ça se peut qu'on en fasse un ce soir. Oui, mais vous faites ça tard. Stream, oui, 8h-9h. Oh, OK. C'est en même temps que vous autres, quoi? Bien, 8h, je te le recommande pas, c'est Unité 9, t'auras personne. Ouais, mais c'est Unité 9, ça doit être l'épisode de l'année dernière. Ah, c'est vrai. Ils font tout le temps ça. Écoutez, je me suis fait pogner hier avec la galère. Ouais. Tu t'installes avec tout ton, tu sais, un bon Pepsi, avec ton boxeur, puis tu te retrouves devant une reprise. C'est choquant, là. T'écoutes la galère en boxeur, je veux pas avoir plus d'images dans la tête. Ils devraient faire un spécial de 2 heures. L'ancien épisode, puis le nouvel épisode. Les gens de Radio-Canada, ici Radio-Canada Télé, qui nous écoutent, ouais. Prenez note. C'est une très bonne idée, je trouve. Ouais. Les 144 personnes qui nous écoutent actuellement, vous êtes très chanceux. On annonce, c'est pas lancé maintenant, ça sera lancé dans 7 ou 8 jours. On est en train de voir ça. Vers mardi prochain. Non pas un, mais bien 2 concours sur Mac Québec. Le premier, petit... Vous savez comment on est raisonnable. C'est le concours Apple TV Mac Québec. Donc, c'est assez simple. Si vous likez ou si vous likez déjà la page Mac Québec, vous allez vous inscrire, vous allez voir sur nos médias sociaux. On va le tapisser partout, le concours, pour gagner une Apple TV. Ça va durer 1 mois, donc à partir de la date de lancement qui risque d'être autour du 17 septembre et jusqu'au mois prochain, 17 octobre. Vous pouvez participer en grand nombre, vous faites des likes et vous pouvez gagner le Apple TV. On pourrait lancer ça mercredi en même temps qu'iOS. Ah, ce serait bien. J'en ai trop dit déjà. Oh. Tu penses qu'il va être disponible mercredi, le iOS? Oui. Statistiquement parlant, il est toujours disponible 2 ou 3 jours avant le lancement du téléphone. Donc, si nous, on pense que c'est le 20 septembre. Il l'avait pas mis déjà la même journée dans la soirée? C'est une très mauvaise idée. Ah ouais, ça a été une mauvaise idée? Avec tout le monde qui inscrive leur nouveau téléphone, là, il y a comme surcharge des serveurs. Donc, c'est pour ça que depuis 2-3 ans, ils font 2 jours avant. Comme ça, leur parc de téléphone actuel se met à jour. Et quand ils lancent le nouveau téléphone, là, ils sont capables de dire, hey, il y a une adoption de... Je pense que iOS 6 actuellement est adopté à 92%. Sur les téléphones de Apple. Donc, le 8% qui reste, c'est probablement des appareils qui peuvent même pas aller à iOS 6. Et le deuxième concours, c'est le concours Click Pump Pimp Mon Mac. Donc, c'est d'une valeur de 500 $ quand même. C'est ClickPump qui vous offre ça. Et c'est l'installation dans votre ordinateur portable, parce que c'est un SSD de 250 gigs, un modèle Samsung 840, pour ceux qui aiment les statistiques, les modèles et tout ça. Donc, on va vous donner un disque dur de 840 gigs qu'on va installer dans votre ordinateur et faire le transfert de vos données de votre ordinateur à votre nouveau disque dur. Et tout ça dans les ateliers de ClickPump. Donc, vous venez nous rencontrer, on fait ça, on passe un petit 3 heures, 4 heures ensemble. Et puis, à ce moment-là, vous repartez avec un ordinateur qui a un turbo solide dans ses entrailles. Parce qu'un SSD, ça rend un ordinateur pas mal plus rapide. Ah ouais? Oui. Oh oui, sur le boot puis tout ça? Sur le boot, 11 secondes pour booter, même si c'est un vieux MacBook. Donc, c'est pas mal intéressant. Fait que ça se fait des solid state drive pour des anciens MacBooks. Comme moi, j'ai acheté le MacBook, mais c'est pas le nouveau. Moi, c'est le... Pas Retina, c'est le MacBook Pro normal. Ça. On pourrait très bien remplacer ton disque dur. Ah ouais. Oui, mais tu peux pas participer au concours. Tu fais partie de Mac Québec. Non, je sais bien. Mais si, admettons, je veux faire appel à vos services... Oui, tout à fait. Tu peux le faire. Puis comment ça vaut, un disque dur demain? Il est autour de... Je te dirais, ça dépend de la journée qu'on l'achète, parce que les prix fluctuent, mais c'est autour de 200 $. Ah ouais? Oui. Ah. Pour un 250 gigs, c'est quand même intéressant. Ça a descendu pas mal. Ah ouais? Oui. Fait que c'est à peu près une pièce le gig. Oui, bien la version Pro est un petit peu plus chère du Samsung 840. Elle est à 1 $ le gig. Là, 200 $ pour 250 gigs, c'est un petit peu moins que... Ah. Fait que c'est ça. Et on essaie de voir, en fait, on va peut-être faire une petite production vidéo pendant l'installation. Là, c'est pour ça que le concours s'appelle Pimp Mon Mac. Donc, voilà. 151 personnes. On est bien contents. On va faire très, très vite. On a une petite capsule des gens de CacaoCast, qui est un podcast dédié aux développeurs. On va vous faire écouter ça. Et c'est un petit 15 minutes. Ils vont vous parler, en fait, de nouvelles fonctionnalités de iOS 7 qui, eux, les titillent beaucoup, les intéressent beaucoup. Et puis, on va revenir après cette capsule-là pour les... On va faire le tour des rumeurs là, de ce qui risque de se tramer. Donc, voilà les gens de CacaoCast, Philippe et Philippe. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Tango et Cash du podcast CacaoCast et nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. iOS 7 est quasiment là, ça va bientôt arriver, c'est un gros changement pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Et nous allons vous parler de quelques-uns de ces changements que nous aimons particulièrement et qui, à mon avis, vont vous intéresser aussi. Alors on va commencer par une nouveauté d'iOS 7 qui est la mise à jour automatique des applications. Ça a l'air tout bête comme fonctionnalité, mais c'est assez important parce que ça n'existait pas dans les versions précédentes. Comme vous le savez tous, hein, vous avez l'application App Store qui affiche ce petit badge rouge avec un numéro et qui vous montre donc le nombre d'applications à mettre à jour. Et si on n'y fait pas attention et si on n'y va pas régulièrement, les mises à jour s'accumulent et ça devient assez barbant, assez ennuyant d'aller là et puis de mettre à jour toutes les applications. Bon, que ça soit automatique maintenant dans iOS 7, je pense que ça va simplifier la vie des utilisateurs. On n'a plus à se soucier de la mise à jour des applications. Ça se fera en tâche de fond. Donc, quand vous laissez votre téléphone sur votre table de nuit, ben, les applications se mettent à jour et le lendemain, tout est prêt. Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les développeurs. Les développeurs pourront maintenant être quasiment sûrs que tous leurs utilisateurs utilisent la dernière version de leur application. Et c'est très important parce que les développeurs corrigent des bugs, corrigent des problèmes, etc. Mais si vous ne mettez pas votre application à jour, vous aurez toujours les problèmes qui existent dans les anciennes versions. Donc les développeurs aiment bien quand on utilise les toutes dernières versions de leurs applications. Le petit défaut, le revers de la médaille pour les développeurs, c'est que si on soumet une application, une mise à jour de l'application qui contient un problème assez important, le développeur n'aura pas le temps de changer d'avis ou de pouvoir prévenir ses utilisateurs de ne pas installer cette version-là. Ça sera trop tard, elle aura déjà été distribuée et tout le monde l'aura mise à jour automatiquement. Donc ça peut être embêtant, mais je pense qu'au final, ça sera intéressant pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Sans compter les développeurs qui utilisent des services web. Par exemple, vous avez une application qui utilise un service web de météo ou quoi que ce soit et que ce service doit être mis à jour pour aller avec l'application. Eh bien, si votre application n'est pas à jour, le développeur doit conserver une version obsolète du service web pour pouvoir vous satisfaire. Alors, on va pouvoir enlever ces anciens services pour pouvoir avoir toujours les versions les plus récentes, ce qui est beaucoup plus intéressant pour le développeur aussi. Exactement. Donc voilà, ça sera une première nouveauté d'iOS 7 que nous attendons impatiemment. Ça devrait être vraiment intéressant. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va intéresser les amateurs de jeux. Pas mal de nouveautés dans iOS 7 hein, concernant le support pour les jeux. Donc on va parler de quelque chose qui s'appelle SpriteKit et aussi d'un support de contrôleur de jeu. Donc Philippe, je laisse en parler. Oui, alors ceux qui me connaissent savent que j'ai un certain intérêt pour les jeux, tant pour en avoir programmé que pour avoir joué. Alors d'abord, SpriteKit, c'est un petit framework qui est installé à l'intérieur d'iOS 7 et qui permet de créer un jeu en deux dimensions. Les jeux 2D style des Nintendo DS, etc. Là, ces petits jeux en deux dimensions. Pas des jeux complexes en 3D, là, mais les petits jeux. Et avec beaucoup plus de facilité que de simplement tout créer à partir de rien ou même d'utiliser un framework comme Cocos 2D, qui est un framework déjà préexistant pour faire des jeux en 2D. C'est une méthode beaucoup plus simple et intégrée au système d'exploitation. On peut même utiliser le même moteur pour fonctionner sous macOS 10.9. Donc, on peut avoir un jeu qui est multiplateforme iOS et macOS, en autant qu'on est sur les dernières versions. C'est pas quelque chose de nouveau au point de vue des développeurs de jeux, mais c'est quelque chose qui devrait permettre à ceux qui veulent se lancer dans la création de jeux d'avoir une barrière beaucoup moins haute à monter parce que ça contient tous les éléments dont on a besoin pour faire un bon jeu au niveau de l'animation, au niveau de la gestion de tout ce qui se passe dans un jeu, au niveau du moteur physique, là, quand est-ce qu'on détecte les collisions, comment est-ce que des choses sont affectées par la gravité, etc. C'est vraiment bien programmé et bien conçu comme on s'y attend de la part d'un framework d'Apple. Et le volet complémentaire dont on voulait parler, tu l'as mentionné, c'est le support pour les contrôleurs de jeu. Alors, tout le monde sait bien que si vous utilisez un iPod Touch ou un iPhone pour faire des jeux, il y a un certain nombre de jeux qui fonctionnent assez bien. Hein. Les jeux où on doit toucher l'écran pour déplacer un personnage ou pour dessiner des différents trucs ou pour tirer des élastiques pour envoyer des oiseaux sur des cochons. Et puis, ça, c'est relativement simple et ça va bien. Mais cet ensemble-là de jeux est en fait un très petit ensemble de tous les jeux possibles. On pense à les jeux où on doit se promener dans un monde, monter, descendre, sauter, etc. Tous ces jeux-là, quand on a des contrôles sur l'écran, c'est assez embêtant parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait parce que notre doigt est par-dessus l'écran et sans compter qu'il n'y a aucun feedback de la part de l'écran pour vous dire que vous appuyez sur quel bouton, etc. Il faut vraiment avoir une manette de jeu. Alors, il y a un support maintenant qui va être intégré à iOS 7 qui va vous permettre d'acheter un petit bidule sur lequel vous allez brancher votre iPod, votre iPhone et qui va contenir des vrais boutons de jeu. Alors, un jeu on pense au Nintendo, par exemple, ils ont beaucoup de boutons. Là, il y en a au moins 4, plus un petit panel directionnel, plus des boutons en haut et des boutons en bas. Les PlayStation, c'est la même chose. On va avoir des vrais boutons physiques. Alors, avec ce petit ce petit appareil qu'on rajoute, on va pouvoir contrôler nos jeux et ça va pouvoir faire en sorte qu'on va avoir la puissance de ce mini-ordinateur iPod, iPhone, avec la facilité d'utilisation des boutons qu'on retrouve sur un appareil peut-être moins puissant, mais beaucoup plus convivial à utiliser pour ce qui est des jeux, style manette de jeu. La combinaison, à mon avis, de Sprite Kit et des contrôleurs de jeu va être une combinaison gagnante pour le jeu sous iOS qui va l'amener au niveau suivant. On va arrêter de faire des jeux où on doit trancher des fruits et pouvoir faire des choses beaucoup plus avancées et beaucoup plus intéressantes. Exactement. Donc, je pense que Nintendo commence à s'inquiéter ou devrait s'inquiéter parce que avec ces contrôleurs de jeux, ça sera vraiment bien plus pratique de jouer à une nouvelle génération de jeux sur iOS. Voilà. On va parler maintenant de quelque chose d'un peu plus subtil. Apple n'en a pas vraiment parlé publiquement, mais c'est quand même l'information existe si vous allez sur les sites d'Apple. C'est quelque chose qui est intégré à l'interface utilisateur d'iOS 7. Donc iOS 7 est développé avec un framework qui s'appelle UIKit. Et UIKit contient maintenant des classes supplémentaires et des petites choses supplémentaires pour pouvoir afficher des objets, des éléments d'interface utilisateur basés sur un engin physique. Donc, tu t'en parlais un petit peu avec SpriteKit et les jeux. Donc, vous connaissez toute cette génération de jeux qui utilisent des engins physiques pour simuler la loi de gravité, pour simuler l'accélération, pour simuler tout un tas de choses. Simuler la profondeur avec un effet de parallaxe. Exactement, donc ça on le voit un petit peu dans les démonstrations, dans l'écran de... Je ne sais pas comment on appelle cet écran là. L'écran d'accueil. L'écran d'accueil ou quand l'écran est bloqué aussi je crois. Oui. Il y a un effet de profondeur, on voit que le fond est un peu plus loin et en fonction du mouvement de votre appareil, cet effet de parallaxe donne vraiment l'impression qu'il y a quelques centimètres de profondeur. Donc c'est assez impressionnant et c'est basé sur cette... nouvelle fonctionnalité de UIKit qui permet de faire tout ça. Mais on peut aller vraiment plus loin. On peut ajouter donc ces lois physiques à des boutons, à des fenêtres, à des transitions entre un écran et un autre. Donc, je pense qu'il y a toute une génération d'applications qui va utiliser cette nouvelle fonctionnalité. J'espère qu'elles ne vont pas trop en abuser. C'est toujours un peu le danger de devenir un petit peu fou et puis de mettre des lois de physique un peu sur n'importe quoi. Vous tapez sur un bouton, le bouton va tomber et je sais pas moi, se casser en bas de votre écran ou alors s'envoler comme si c'était un ballon de baudruche ou je ne sais quoi. C'est possible, tout est là pour faire ce genre de choses. Mais bon, si c'est pas un jeu, ça sera peut-être un petit peu vite énervant. Mais je pense que si on l'utilise d'une façon subtile et au bon endroit, au bon moment, ça vous donnera vraiment... une utilisation plus avancée de l'application. Déjà que l'iPhone doit son succès vraiment à ce côté physique. On a l'impression de toucher une application, d'interagir directement avec l'application. Il n'y a pas de tierce partie entre votre doigt et ce qui se passe. Donc quand vous faites défiler une liste, la liste défile directement comme si vous touchiez un élément physique. Je pense que grâce à ces nouvelles fonctionnalités qui seront vraiment utilisées dans iOS 7, vous aurez vraiment l'impression là d'agir sur un monde physique. Donc votre iPhone aura, on va dire, une troisième dimension un peu partout. Donc voilà, ça devrait être intéressant. Vous allez le voir certainement assez rapidement, mais encore une fois, ça sera peut-être juste subtil, mais ça vous donnera un petit peu plus de satisfaction quand vous utiliserez des applications. Donc on en reparlera certainement plus en détail dans le futur, mais c'est quelque chose d'assez prometteur. On va finir maintenant avec une partie de la technologie d'iOS qui s'appelle Core Location et d'un nouveau système qui s'appelle iBeacons. Et Philippe, je vais laisser t'en parler plus en détail. Voilà. Alors Core Location, c'est un framework intégré à iOS qui permet au système de savoir où vous êtes, ou même aux applications de savoir où vous êtes. Par exemple, vous utilisez l'application de plan. Les plans savent où vous êtes et peuvent vous indiquer des trajets dépendamment de l'endroit où vous êtes. Les applications météo se servent de votre endroit. Les applications de recommandation de restaurants, ça fait la même chose. Eh bien, il existe un ajout à cette technologie qui s'appelle iBeacons. Et qu'est-ce que c'est les iBeacons? Ce sont simplement des petits modules physiques. On parle de petits appareils à pile de la grosseur d'une pièce de 2$ peut-être, qui peuvent être dispersés un peu partout dans le monde et qui fonctionnent sous la technologie Bluetooth Low Energy, donc une version très peu énergétique, beaucoup moins que du Wi-Fi, donc avec une distance d'utilisation relativement faible là, de quelques dizaines de mètres. Mais ce que ça permet, c'est que ça vous permet d'avoir du positionnement et de l'information supplémentaire beaucoup plus détaillée que ce que vous pourriez avoir simplement par votre position GPS, parce que disons dans un commerce ou dans un service ou quelque chose comme ça, vous pouvez la personne qui possède le commerce ou le service peut rajouter ces petits iBeacons et vous donner plus d'informations. Si vous utilisez leur application par exemple, vous donner plus d'informations sur l'endroit où vous êtes. Un autre exemple, ça serait dans un musée. Vous pouvez utiliser ces petites pastilles de iBeacons pour passer, disons, d'une station à l'autre pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'œuvre d'art qui est représentée, quelle est l'importance historique du morceau que vous êtes en train de regarder, etc. Vous pouvez faire ça sans avoir besoin d'avoir une géolocalisation ultra précise. Le gros avantage de ça, c'est que d'une part, la géolocalisation ultra précise ne fonctionne pas très bien à l'intérieur quand vous êtes dans un musée, par exemple. Et d'autre part, la géolocalisation ultra précise demande énormément de batterie parce qu'elle vous demande de parler au satellite GPS pour savoir où vous êtes avec beaucoup de précision, et donc ça tue la batterie de votre iPhone. C'est pas super pratique quand on passe une heure au musée et puis qu'on n'a plus de batterie pour avoir ce genre d'informations-là. Et la troisième, évidemment, c'est que les iPods n'ont pas vraiment cette géolocalisation précise, qu'ils n'ont pas la puce GPS, mais ils peuvent utiliser les iBeacons puisqu'ils sont capables de faire du Bluetooth. Donc, en faisant tout ça, on peut avoir toutes sortes d'informations supplémentaires sous iOS 7 grâce aux iBeacons qui, en passant, ne coûtent que quelques dollars, donc ils sont très faciles à acheter et à programmer pour les personnes qui possèdent les commerces, les musées, etc. Et ça leur permet de diffuser leur information beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'inquiétude que les fameux codes QR qu'on doit scanner avec nos téléphones maintenant. Voilà, donc ça a l'air de donner plus d'applications intéressantes. Donc on va voir un peu comme pour les jeux dont on parlait tout à l'heure, une nouvelle génération d'applications qui vont pouvoir utiliser cette localisation plus personnelle et plus proche, donc pour les utilisateurs. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que les développeurs vont faire avec ça. Ben voilà, c'était un survol des nouvelles technologies incluses dans iOS 7 que les développeurs vont utiliser pour développer les applications que vous utilisez quotidiennement. Si vous voulez nous entendre parler de plus de ces sujets, venez nous écouter à cacaocast.com. Nous avons un podcast toutes les deux semaines, donc on enregistre assez régulièrement, puis on parle de toutes les nouvelles qui concernent les développeurs, mais ça peut aussi intéresser les utilisateurs passionnés d'iOS. Et voilà, donc venez nous écouter là, et je pense que c'est tout pour cette fois-là, et on rend maintenant la parole à l'équipe de Mac Québec. Vous avez comme objectif d'exceller en ligne? Vous désirez travailler avec un partenaire web qui vous permettra d'atteindre des résultats optimaux dans un cadre sympathique? Reptil Tech, une agence web comptant plus de 10 ans d'existence, offre ses services de conception, de stratégie et d'accompagnement web. Vous désirez rester branché sur les nouvelles tendances web? Rendez-vous sur notre blog au www.reptiltech.com. Reptil Tech, fier partenaire de Mac Québec. Rebienvenue en studio. Eh bien, on aimerait remercier les deux Philippe de CacaoCast. Comme ils ont dit à la fin de leur présentation, vous pouvez aller vous abonner à leur podcast, qui est fort intéressant. Je vous le recommande. Puis, en fait, je ne les aurais pas passés si je ne vous le recommandais pas. Hein. Fait que c'est pas mal chouette. C'est très, très pointu ce qu'ils font. Un peu comme les gens du Front créatif de Montréal qui sont en train de travailler leur workflow en arrière. Vous ne les voyez pas, mais c'est comme deux fourmis en arrière qui ont la sueur qui coule du front comme un noir dans Mission Impossible. Jean-Michel? C'est tapageur et Camerio. C'est ça. Une référence à Bobinette, si. Bobinette, ouais. Et Bobino. Il y en a sûrement 75% qui ne la comprennent pas. Excellent. Donc, ça nous a permis de prendre un petit break, de se gargariser le gosier. Je pense qu'il est le temps de faire le tour de ces rumeurs qu'on n'aime pas beaucoup, nous, à Mac-Québec, parler des rumeurs. On en parle, évidemment, par la force des choses. Mais là, en fait, on est rendu 15 minutes avant la présentation. C'est ça. Donc, on va vous faire un sommaire, en fait, de tout ce qui a été dit. On va rester dans l'univers du pseudo-possible. Tu sais, on a quand même une très bonne idée là, de ce qu'on attend aujourd'hui. Là. Apple va parler d'iPhone. Oui. Il n'y aura pas d'annonce de d'autres choses. Là. Non? Qu'est-ce pas qu'on... d'iPod Touch? Non, juste un iPhone. Pas de laptop as well? Non, ça serait okay. Très, très, très étonnant. Là, peut-être qu'il va avoir un petit clin d'œil à Mavericks, mais il ne devrait pas avoir d'annonce autre qu'un iPhone. Okay. Ah, moi, je dis qu'il y a iPod? De l'iPod. Non, iPod. iPhone. Juste iPhone. iPhone, pas d'iPad non plus? Non. OK. Deux iPhones, en fait. L'iPhone 5S, qui est l'évolution du iPhone 5 qu'on a présentement. Puis il y a un nouveau modèle, l'iPhone 5C, qui serait... Toi, le C, tu penses que c'est pourquoi? Ça serait Il s'appellerait 5C. C, c'est la lettre qui désigne quoi, selon toi? Aucune idée. Cossin. Jean-Michel? Il serait fait en plastique, je pense. C'était ça, les rumeurs? Oui. Il serait fait en plastique avec peut-être un peu moins performant ou... Apple, c'est pas moins performant. Ce qu'on dit, c'est que Apple va donner un produit qui comble des besoins plus simples. Donc, le iPod Nano n'était pas plus cheap que le iPod classique. Il convenait juste à une autre tranche d'acheteurs. Oui, ça, c'est la façon politique de le dire. Mais c'est quand même une rumeur qui est tout le temps revenue, ça. Ça a tout le temps... Avec le 4, on pensait qu'il allait en faire une autre batch pour... Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. La raison, cette année, pourquoi Apple construirait un nouveau téléphone, il y en a trois. Ben, d'abord, je vais laisser Jean-Michel parler un petit peu des rumeurs sur ce téléphone-là, le iPhone 5C. OK, la coque, ce serait un iPhone qui serait en plastique. On sait présentement l'iPhone est totalement en métal, l'iPhone 5C. L'iPhone 5, présentement, l'iPhone 5C serait un iPhone avec une coque arrière en plastique puis il inclurait certaines pièces en fibre de verre, apparemment. Uh-huh. Ce serait un iPhone qui est coloré, qui serait offert en 4 à 6 couleurs, allant du blanc, du noir, en passant par le rose, le vert, le jaune, un peu comme les iPods Nano là, qui sont offerts en plusieurs couleurs. Il y aurait un écran Retina de 4 pouces, donc la même chose que... L'iPhone 4S. Non, on a 4... C'est ah oui, l'iPhone 5, okay. Et puis le nouveau iPod Touch, ce serait la même chose. Mm-hmm. Les spécifications seraient similaires au iPhone 5, mais il serait un peu plus large, un peu plus épais, là, probablement en raison là, du plastique et du mode de fabrication. Elle serait un processeur A6, comme dans l'iPhone 5. Pour vrai? Oui. Et puis le prix, c'est là le point, là, que c'est un gros point d'interrogation, là, mais le prix sans contrat serait entre 350 et 500 $. On ne sait pas quelle capacité ça aurait, si ça va être offert en plusieurs capacités ou en une seule. On sait pas. C'est un téléphone qui n'a pas besoin d'être au prix de 200 $, comme par exemple un Nexus. OK? Mm. Les gens comprennent qu'il y a un prix... pristine, un prix plus élevé pour un produit Apple, qui est un... c'est pas juste un téléphone que t'achètes, c'est un écosystème au complet. Maintenant, on pourrait argumenter du fait que c'est un écosystème dans lequel tout est bien ou si c'est une prison... Apple Catraz. Il y a trois raisons actuellement qui pousseraient Apple à sortir un produit comme ça. Par le passé, Apple a toujours laissé le modèle de l'année passée en vente. Et a vendu le nouveau modèle. Puis le modèle de l'année passée était toujours moins cher. Actuellement, vous pouvez acheter un iPhone 4 pour 0 $, un iPhone 4S pour environ 150 $ ou 100 $ iPhone 5. L'iPhone 4S, c'est peut-être 49 là. Effectivement, selon les compagnies. Ouais. Puis le iPhone 5, ça commence à 149, 199, ouais. Tout dépendant. Apple, en sortant un iPhone comme ça, irait vers la Chine, donc le C. Ce serait peut-être pour China, l'iPhone 5C. Deuxième raison pour laquelle Apple ferait ça, c'est pour pouvoir offrir un appareil avec des couleurs pour des gens qui voudraient un peu plus de fantaisie dans leur téléphone, mais sans nécessairement toucher à la gamme haut de gamme. Là, t'sais, il offrirait en fait d'autres couleurs, on va en parler plus tard. Et la troisième raison pour laquelle Apple sortirait un téléphone comme ça, c'est pour le changement de connecteur qu'ils ont opéré l'année passée. Donc, ils ont sorti le Lightning, qui est maintenant sur le iPad actuel, qui est sur l'iPhone actuel. Et que tu ne trouves pas rien. Il n'y a aucun accessoire. Ben oui, il y en a. Oui, oui. Des speakers, tout ça. Il y avait plein de speakers. Jour 1, ce n'est pas sorti, mais jour 180, il y a 6 mois, il a commencé à avoir En tout cas, chez Future Shop, il n'y a rien. Chez Best Buy, il n'y a rien pour les iPhones. Ils sont encore pognés avec leur vieux stock. Ils essaient de sortir ça. Mais au Apple Store, il y en a. Et c'est justement, Apple est obligé de tenir des stocks de fil 30 pins ou des stocks de fil Lightning. Puis à ce moment-là, en uniformisant la gamme avec un iPhone moins cher, mais quand même que le connecteur, bien là, ils pourraient débarrasser leur tablette de ces vieux fils-là et complètement passer au fil Lightning, qui est pas mal intéressant selon moi. Ça a pris 10 ans avant qu'Apple change de fil. Il y a une publicité, une parodie qui est sortie il y a quelques jours et qui disait qu'ils sortiraient le Lightning 2, juste un peu plus large pour faire chier. Mais Apple a sorti un fil aux 10 ans, alors que si tu regardes les téléphones Samsung, ils ont eu 18 connecteurs différents dans la même période de temps. Mais là, ils ont dû s'arrêter au mini USB. Mais le mini USB a des avantages d'être le même port, mais a des désavantages aussi. Entre autres, c'est pas multidirectionnel et il y a un sens pour rentrer un mini USB. Il y a une forme qui te permet pas de le mettre d'un côté ou de l'autre, qui est un des avantages du Lightning. Oh my God! Ben quand même. C'est une révolution. C'est une révolution technologique. On peut le brancher des deux côtés. Mais OK, combien de fois ça t'est arrivé de prendre un truc USB, le connecter, ça rentre pas. Le tourner de bord, le connecter, ça rentre pas. Et ça rentre seulement la troisième fois. C'est la vieille joke. Tout le temps dans ta vie que t'as perdu avec ça. Apple a réglé le problème. Penses-tu que Steve Jobs aurait laissé faire ça des... si, admettons que c'est vrai, là, penses-tu que Steve Jobs lui aurait fait ça des iPhones plus bas de gamme? On va dire pas bas de gamme. Steve Jobs a fait le iPod mini, qui est un iPod avec liquid bas de gamme, là, finalement. Là, c'est un peu la même chose. Là. C'était quoi l'iPod mini? C'est le premier iPod nano, en fait. Là. Ils ont sorti l'iPod mini. C'était un disque dur qu'il y avait dans l'iPod mini. Comme l'iPod régulier là, qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Fait que finalement, c'était un iPod régulier bas de gamme parce que le stockage était moins gros, la taille était moins grosse. C'était vraiment... C'était quand même une autre gamme. Mais c'est ce qu'ils risquent de faire à la présentation du iPhone 5C. Mm-hmm. Peut-être que la caméra va être moins performante. Peut-être qu'il va avoir juste une caméra de face au lieu d'avoir une caméra en arrière, comme sur le iPod. Ils peuvent faire plusieurs choses pour diminuer le prix sans nécessairement enlever des... Tu sais, peut-être qu'il n'y aura pas de puce vidéo spéciale pour jouer aux jeux vidéo très, très poussés parce que leurs statistiques leur disent qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui joue à des jeux vidéo. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais Apple ne va pas faire un produit cheap. Ils vont juste enlever quelques fonctionnalités qui sont plus pointues et moins utilisées. Oui, mais ça répond pas à ma question. Steve, aurais-tu laissé faire ça? Steve se serait laissé convaincre par l'état-major de Apple éventuellement que c'était une nécessité, si on voulait percer le marché chinois, de faire un produit comme ça. Puis je pense que de toute façon, c'était dans la ligne de pensée de Apple d'éventuellement sortir des produits comme ça. Là, l'occasion se présentait, la conjoncture se présentait bien. Oui, parce que c'est un marché qui lui manque, ça, Brossard, puis toute la chaîne. Puis... Retournons à Jean-Michel pour les rumeurs du iPhone 5S. Fait que... iPhone 5S, oui. Les nouvelles fonctionnalités qu'il y aurait dans l'iPhone 5S, il y aurait premièrement un capteur d'empreinte digitale dont on entend parler quotidiennement depuis les deux dernières semaines. Oui. Mm-hmm. Ça fait quand même 6 mois. On pourrait ressortir les archives de Mac Québec, mais on avait parlé plusieurs fois des possibilités que donnerait un capteur d'empreinte digitale. Moi, je trouve que cette rumeur-là, on a arrêté d'en entendre parler peut-être pendant 2-3 mois. Là, c'était beaucoup moins fréquent. Là, mais là, ça fait 2 semaines, il y a eu une photo d'une boîte qui est apparue sur Mac Rumors. Puis là, c'est revenu. Là, puis là, tout le monde parle d'un iPhone, d'un capteur d'empreinte digitale sur un nouveau iPhone. Ça s'appellerait comment? Le Touch ID, quelque chose comme ça. Touch ID Sensor. Ouais. D'abord, il faut savoir qu'Apple a acheté une compagnie qui s'appelle Authentech en juillet 2012 pour la somme de 356 millions, autant dire du pocket change pour Apple. C'est une compagnie qui développe ce la genre de... sans... Oui, c'est ça, la petite caisse. Va me chercher des sandwichs, un Coke. Puis Authentech. Cette compagnie-là développe des senseurs empreintes digitales. Moi, j'ai lu quelque chose cette semaine qui disait que ce ne serait pas la technologie que Authentech aurait développée qui serait... C'est possible. Parce que c'est trop récent, l'acquisition, justement. Ah! Peut-être qu'ils sont allés chercher les brains, les cerveaux qui étaient chez Authentech. Peut-être qu'ils avaient déjà développé quelque chose qu'ils voulaient juste... À l'interne, qu'ils voulaient le corroborer. Un petit boost avec ce que Authentech avait fait. Oui. Sinon, il y aurait une meilleure caméra en arrière du nouveau iPhone. Oui, juste ça passe de 8 à... Ça passe de quoi de... Ça serait pas meilleur au niveau du mégapixel. Il y a beaucoup de... On sait que c'est pas le fait d'augmenter les mégapixels non, qui améliore nécessairement. Il y a la lentille, il y a la longueur focale. Et en fait, une des grosses améliorations qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau du flash qui serait à deux dells. Et on a vu des exemples sur Internet. Il y en aurait une blanche, une jaune. Ça ferait un éclairage plus naturel. Finalement, au lieu d'avoir l'air bleu là, quand on prend des photos la nuit. Oui, qui pourrait aller plus loin aussi. Mm-hmm. Juste pour revenir au capteur d'empreintes digitales, je sais qu'il faut passer vite par-dessus les points parce que ça commence dans 4 minutes. D'abord, en fait, à quoi il pourrait servir ce capteur d'empreintes digitales-là? Ben, d'abord, à s'authentifier sur son propre téléphone. Donc, au lieu de rentrer un code qui est assez fatigant là, quand tu ouvres ton téléphone plusieurs fois par jour, ben, tu mets ton pouce puis ça l'active. Deuxième chose qui pourrait être fait, c'est que s'il y a une connexion entre ton ordinateur et ton téléphone, Apple pourrait décider que ton téléphone devient ton mot de passe pour ton ordinateur. Ouais. Donc, avec ton empreinte digitale, tu débarres aussi ton téléphone. Mais il n'y a pas déjà une technologie, il n'y a pas déjà des technologies qui permettent ça, mais qui sont externes. Là. Oui, Toshiba, en fait, sur des modèles haut de gamme, le fait depuis un bon nombre d'années, mais ça n'a jamais été adopté ou utilisé. En grande partie. La troisième fonctionnalité, on parle beaucoup du côté d'Android, de NFC, le Near Field Communication, la communication, ce qui permet de coller deux téléphones, donc d'avoir une communication très, très près, de transférer des données. Technologie qui était supposée être... qui a été piratée après... C'est sa sortie. C'est ça le problème de cette technologie-là. On en a parlé souvent au podcast. Tu peux te promener, en fait, parce que cette technologie-là, vous l'avez aussi... du RFID, là, vous l'avez aussi dans vos cartes de crédit. Puis quelqu'un est capable de lire quand même les informations avec un équipement qui se transporte dans une valise. Tu te promènes dans le métro avec cette valise-là, puis tu es capable de ramasser plein de numéros de cartes de crédit. Il faut le NIP après ça. Mais c'est drôle, on a vu les rumeurs pour le capteur d'empreintes, mais il n'y a pas eu de rumeurs pour le NFC. Pour le NFC. Ça dépend des endroits, mais l'empreinte digitale viendrait sécuriser le NFC pour faire des paiements. Donc, pour faire ton paiement, tu utilises ton téléphone avec la puce NFC, mais pour le sécuriser, tu as ton lecteur d'empreintes digitales directement sur ton téléphone. Donc, ça serait comme ça qu'Apple pourrait l'utiliser. Mais c'est pas sexy, c'est pas des affaires sexy, ça. Le monde s'en fout de l'affaire de mettre ton doigt là-dessus. À la place de leur mot de passe? Oui. C'est le fun de montrer à un ami là, comme ça, là. Mais c'est pas quelque chose qui ah, c'est pas déterminant là, pour acheter un iPhone. Si toi, t'as plus besoin d'utiliser aucun mot de passe pour tous les sites web sur lesquels tu vas, puis tu fais juste mettre ton doigt sur le téléphone, tu trouves pas ça sexy? Non, pas en doute. OK. Mais il y a beaucoup de monde qui le trouve ça sexy. Mais je rencontre un paquet de clients qui ont des problématiques avec les mots de passe, puis qui pourraient se faciliter la vie avec quelque chose comme ça. Peut-être. On continue? Les autres rumeurs? Oui. Le stockage qui serait disponible jusqu'à 128 gigs. Ça, c'est mineur, je trouve, parce qu'on en a entendu parler là, tout comme le dernier de lancement. Là, c'est quoi le plus bas? C'est 16, 32 ou 64. Je pense que j'ai... En tout cas, c'est tout le temps jamais assez. C'est jamais assez. C'est tout le temps pogné pour déliter des applications pour en mettre d'autres. Puis je pense que j'ai 32, je ne suis pas sûr, mais... Ce qui est fatigant comme ça, et on l'a vu avec l'iPad, c'est que pour passer de 16 à 32, Apple te charge... C'est 200 à peu près ou 100? C'est 100 $ C'est fou, hein? Pour passer de 32 à 64, donc avoir 32 gigs de plus, c'est 100 $ Ouais. Pour passer de 64 à 128, c'est 100 $ Fait que c'est un peu fatigant. J'aimerais ça qu'ils revoient un peu le tarif de leur mémoire flash. Bon, on continue? Ça serait aussi, il y aurait aussi une nouvelle couleur qui serait lancée pour l'iPhone 5S, une couleur champagne ou teint doré un petit peu, là. C'est une couleur Kardashian, une couleur Kanye West, une couleur Paris Hilton un peu. Ouais. Ben c'est sûr qu'il y a une tranche des gens à qui ça pourrait intéresser. Au début, il parlait d'une couleur or, mais ouais, quand tu dis or, tu t'attends, c'est soit la couleur d'un lingot d'or, là, vraiment foncé, mais c'est plus pâle là, dans les photos qu'on a vues là, que ce serait possiblement ça. C'est pas laid, là, mais c'est pas une couleur que je choisirais, mais c'est pas laid nécessairement. Là. Et un organisme quelconque en France, dans la région de Champagne, a bien averti que si Apple appelait la couleur de son téléphone Champagne, il y aurait une mise en demeure qui serait faite, puis ils veulent pas qu'ils appellent leur téléphone Champagne. Pourquoi? Parce que c'est une région. Parce que c'est à eux autres. Pourquoi Apple veut pas que tu utilises son logo, ben, puis Ben ouais, mais il y a des bands comme Toronto, il y a des bands qui s'appellent des villes, tu sais. Comme Chicago. Comme Chicago, tiens. Ouais. Je cherchais. Tu sais, pourquoi ça appartient. Ouais, mais là, ce serait la couleur qui s'appelle Champagne, qui est la couleur du produit, là, qui. Ben oui, c'est comme. Sinon, on m'a allé. C'est une appellation contrôlée, là, ça, Champagne. Ben oui, c'est comme ça. Flèche. Tu sais, la couleur flèche, là, avec nos crayons de... Ouais. C'était ça, la couleur peau flèche. Mais il y a aussi une photo d'un téléphone silver, gris, métallique qui est sorti aussi. Ouais. Donc, peut-être qu'Apple irait blanc, noir, champagne et silver. Ensuite? Puis aussi, ocre de perles. Terre de chien. Ocre de perles. Il y aura aussi finalement la dernière grosse rumeur pour l'iPhone 5S, ce serait le processeur A7 qui serait lancé et qui permettrait meilleures capacités, dont l'enregistrement vidéo en 120 frames par seconde. Effectivement. Faire du slow motion. Fait que juste avec ton iPhone, tu peux enregistrer Pauline, puis après ça, tout de suite la mettre en ralenti sur YouTube pour qu'elle ait l'air d'une cruche qui tape sur les... Tim Cook on stage. Tim Cook vient d'avoir... On m'avertit en régie que Tim Cook vient de monter sur la scène. Merci. C'est Camerio qui vient de nous dire que Tim Cook est embarqué. Tu penses-tu... Moi, j'ai une théorie sur les espèces d'ouverture vers plein de couleurs. Tu sais, ils sont très arc-en-ciel ces temps-ci, tu sais, un lettrage multicolore, là, peut-être des cases multicolores, tu sais. Ben, j'ai une théorie avec Tim Cook. Vas-y. Qui est homosexuel. Il l'est. Puis j'ai l'impression qu'il amène ça. Il va amener ça. Et il y a toujours... je veux dire, San Francisco est une ville où est-ce qu'il y a une bonne... pas une majorité, mais il y a beaucoup d'homosexuels. Ça a toujours été dans la culture d'entreprise de Apple. Tim Cook est homosexuel. Ben, j'ai l'impression qu'il a dû dire, moi, ma marque, ça va être ça. Je vais amener plusieurs couleurs. Arc-en-ciel. Ben, c'est Johnny Ive qui a plutôt choisi la palette de couleurs, entre autres pour iOS 7. Le téléphone, on va voir. Hein? Ben, il n'y en a pas tant que ça. Ben, Bondi Blue, le logo qui était aux couleurs du même arc-en-ciel que la fierté. Moi, mais Steve Jobs, il était devenu gris un moment donné, blanc, gris. C'est pour suivre les couleurs de Apple. Il y a Pixar, qui est une compagnie qui appartient à Steve Jobs, qui a produit un ou plusieurs vidéos pour expliquer aux jeunes, en fait, c'est une vidéo qui a été mise sur YouTube, et c'est une vidéo qui expliquait aux jeunes que ça devient mieux. Donc, tu peux sortir du garde-robe parce que plus tu vieillis, et mieux ça devient. Donc, de ne pas avoir honte de ça. Ouais, je pense qu'il y a un petit quelque chose. Ben ils, ils veulent s'impliquer au niveau de... Ben, ils veulent partir une guerre froide contre la Russie qui est comme... qui s'en va dans l'autre sens, tu sais. Complètement. On aimerait... merci aux 353 personnes qui sont en ligne d'abord, mais on aimerait aussi donner un merci spécial à ReptileTech parce que, vous étiez peut-être pas là tout à l'heure, mais le site web de Mac Québec a planté et on nous a dit qu'ils ont jamais fait une migration de site aussi rapide que ça. Ça a pris à peu près 5 minutes et le site est revenu en ligne. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur la page macquebec.com/en-direct. Allez-y pas en même temps. La porte n'est pas très large. Vous ne rentrerez pas tout en même temps. Mais on aimerait bien que vous retourniez sur le site web de Mac Québec, histoire de participer à la conversation, d'avoir le feed Twitter, notre boutique, tout ça. Puis très, très, très rapidement, avant qu'on commence, parce que la conférence a commencé du côté d'Apple. La conférence a commencé. On veut juste expliquer pourquoi on croit que l'iPhone va être lancé le 20 septembre. Oui. En fait, le Mac Québec a sorti une nouvelle au début septembre, comme quoi le Apple Store de Sainte-Catherine, l'Apple Store sur la rue Sainte-Catherine, qui est le flagship, le magasin admiral de Apple au Québec, était fermé du 4 au 19 septembre pour rénovation. Puis là, on regardait les autres rapports qui sortaient, qui nous disaient le iPhone sortirait de telle date à telle date. Habituellement, c'est parce qu'ils veulent mettre du plancher flottant, je pense. Probablement. En tout cas, ils veulent changer le plancher, ils veulent changer les mobiliers. C'est ce qu'on a appris à travers les branches. Et le magasin rouvrirait le 20 au matin. Le 20, c'est un vendredi. Et aussi, une autre preuve qui vient solidifier le 20 aux États-Unis, en plus d'AppleCare, T-Mobile ne peuvent pas prendre de vacances dans les quelques jours avant et après le 20. Donc, ils seraient obligés de se présenter au travail. Et puis, si on va voir les autres années avant, le iPhone 5 est annoncé mercredi le 12 et lancé vendredi le 21 septembre, ce qui est exactement comme ça s'enligne pour être cette année, là, quand on regarde les dates. On est mardi. Là, on est mardi, mais la mise en vente, elle, serait faite vendredi le 20. Mm-hmm. Ouais. Lancement du iPhone 3G, 3GS, 4, 4S et 5 aussi respecté ce pattern-là. Tous des vendredis. Mm-hmm, tous des vendredis. Avant, c'était dans le mois de juin. Maintenant, c'est au mois de septembre. C'est la seule différence qu'il y a eu. Puis j'entendais des gens dire que c'était quelques semaines après que c'était vendu. L'iPhone 5 a été mis en vente 9 jours exactement après son annonce. C'est ça. Et puis, c'est la même chose pour iOS 7 qui devrait être lancé mercredi prochain. Soit 2 jours avant le lancement du iPhone. Apple fait ça depuis iPhone OS 3 pour limiter le trafic sur iTunes, parce qu'on se souvient, avec l'iPhone 3G, ça l'avait planté solide. Mais il avait sorti, il avait sorti MobileMe en même temps, il avait comme tout sorti la même journée. C'était le premier lancement mondial d'iPhone. Vraiment pas une bonne idée. Mm-hmm. Ils ont appris de leurs erreurs. C'est ça. Donc, iOS 7 serait possiblement disponible le 18 septembre. On devrait avoir la confirmation aujourd'hui aussi. Voilà, ça fait le... Fait que ça serait juste un iPhone, vous pensez? Ça serait juste ces deux iPhones-là? Ça, c'est ce que Jean-Michel pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va avoir les MacBook Pro Retina as well qui vont être annoncés. Je pense que le MacBook Pro que tu as acheté va être retiré. Le prix du Retina va être descendu et il va avoir des 13 pouces qui vont être annoncés aussi. Des MacBook Pro Retina. Le MacBook Air remplace le MacBook Pro 13 pouces. Ouais. MacBook Pro Retina as well en 13 et en 15 pouces. Je pense qu'il va avoir ça aussi. Mais ça va être... c'est pas l'annonce principale. Ça va être enfin. Ça va être sur le site web d'Apple quand ça va revenir. Mais je pense qu'il va avoir ça. Pensez-vous qu'il va y avoir des ajouts à Maverick? Tu sais, souvent, ils font... Non, ils l'ont tout annoncé. Ils ont pas mal tout annoncé, puis c'est Maverick que j'ai sur l'ordinateur actuellement, puis toutes les fonctionnalités sont là. Ils approchent du Gold Master. Y avait-tu annoncé ce qu'il y avait dans iOS 7? Oui, aussi. Aussi? Oui. Ouais, le Golden Master devrait être lancé aujourd'hui. Il y a peut-être une ou deux fonctionnalités qui vont être spécifiques au iPhone 5S, dont le slow motion. Oui, c'est ça. Puis tout ce qui est relatif au capteur d'empreinte aussi. Là, puis... Ah, voilà. Il va y avoir aussi, pour notre ami Crapule, une belle mise à jour de iTunes. Sûrement. On sait que il tu va l'attends. Il va en avoir 4 dans un mois. Est-ce que toi qui es avec Apple depuis quand même... en fait, tu es habituellement avec PC, mais récemment, tu t'es acheté un Mac. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est plus simple pour les mises à jour de iTunes? Je veux dire, tout le système se met à jour... de lui-même ou à peu près, puis t'es comme pas obligé de redémarrer à chaque fois. Fait que ça, c'est quand même moins fatigant du côté Mac que du côté PC. C'est parce que l'affaire, là, c'est que la maudite mise à jour d'iTunes, elle t'arrive tout le temps quand tu rouvres iTunes, puis que là, t'en aurais besoin. Ouais. Tu sais, m'ouvrir iTunes, j'ai besoin de m'en servir. Ah, c'est comme si, à chaque fois que j'ouvre iTunes, c'est moi qui fais qu'il y a une nouvelle version qui apparaît sur la planète. C'est probablement ça. On va garder ça. On va le transformer en légende. Mais on parle de iOS 7. Oui, c'est ça. On commence à parler de iOS 7 sur la scène. Ça commence à devenir sérieux. Et c'est Craig Federighi qui est sur la scène, l'homme dont le nom est imprononçable, mais qui était très intéressant à la dernière présentation. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Là, ils ont-tu tout ça? Habituellement, ils font tout le temps un petit wrap-up de tous les chiffres. Là, ils ont présenté leur iTunes Festival et puis ils ont présenté le nouveau magasin à Stanford là, qui est près là, du campus d'Apple. C'est-tu nouveau, ça, le iTunes Festival? Non, ça fait quelques années. Ah oui? Mm-hmm. Ah, c'est la première fois que je n'entendais parler cette année. Cette année, c'était plus gros que les autres années, je pense. Hein? Oui, bien, ça va toujours en grandissant, mais là, ils ont fait l'application. Tu avais des shows qui étaient streamés directement dans l'application. C'est pas mal intéressant. Puis c'est un des seuls événements que Apple sponsorise en quelque part. Là, Parce que c'est pas eux autres qui le font. Je pense que c'est pas mal eux autres qui l'organisent. Oui. Mm-hmm. Ils ont des bons contacts avec les artistes, là, évidemment. Là, c'est le plus gros magasin avec de musique. Avec U2. Oui, avec U2, entre autres. C'est gratuit comme festival. À part de ça, ils font tirer tous les billets. Tu peux pas acheter de billets pour. Il faut que tu participes à un genre de concours sur Internet. Là, puis... Pendant que je te laisse regarder ça. Mm-hmm. Pendant que les annonces déboulent, j'aimerais donner un petit shout-out à la gang de iPhone in Canada, qui est un très, très gros site canadien qui nous informe bien de tout ce qui se passe au niveau iOS sur leur site web, qui nous ont retweeté hier. Et je pense qu'on a réconcilié les deux solitudes avec notre amour des produits Apple. Ils nous ont donné un petit merci, un petit bonne soirée, ou en tout cas, ils nous ont tweeté m'ont envoyé un message en français. iPhone in Canada. Et si vous n'avez rien à faire pour les prochains jours, ils ont une boutique dans la section Deals de iPhone in Canada où il y a 60% de rabais sur Borderlands 2, qui est un excellent jeu qui revient à 11$ et quelques sous à l'achat. Donc, c'est un très bon deal. Et comme c'est la boutique de Stack Social, qui est brandé à leur nom. Mm-hmm. Ils ont aussi le Pay What You Want Bundle, dans lequel vous avez Camtasia, qui est un excellent logiciel de screencast. Donc, le screencast, qui est une captation de votre écran afin de faire des tutoriels. Et je pense que vous avez... C'est quoi l'autre? L'autre logiciel? Crossover qui permet de rouler... certaines applications Windows, là, directement sur Mac, sans avoir Windows. Sans avoir besoin d'acheter une licence Windows. Mm-hmm. Donc, deux excellents logiciels que vous pouvez avoir avec, je pense qu'il y en a 6 autres pour le prix que vous voulez payer. Et le prix moyen, je pense, si vous voulez les 10 logiciels, c'est autour de... C'est en bas de 10$. Donc, vraiment bon, très intéressant. Donc, là, série qui serait améliorée. Ben, en fait, on fait un wrap-up. C'est un résumé de tout ce qui est annoncé. Ça avait déjà été annoncé. Le WWDC, finalement. Fait intéressant, ils ont commencé par dire que la journée où ça allait être annoncé à iOS 7, la première bêta, il y a des centaines de millions d'utilisateurs qui l'ont téléchargé. Oh! Quand même, centaines de millions. Ben, peut-être que c'est une faute là, ici là, dans le live stream. Là, on a centaines de millions. Là. On sent que c'est chaud au centre où est-ce qu'ils diffusent. On entend les pompiers en arrière-scène. Mm. Ah non, c'est ici, ça. Les sons de Montréal. Donc, c'est probablement une erreur. Ça m'étonnerait qu'il y ait 100 millions de personnes qui aient un compte développeur. Il y a un parc informatique d'à peu près 400 millions d'appareils iOS. Ouais, ce serait le quart. Ça serait le quart. Je ne pense pas qu'ils soient tous enregistrés développeurs. Mm-hmm. Il y a eu une forte demande là, pour... depuis quelques années, il y a une forte demande pour essayer les bêtas justement là, avant le lancement. Là. De plus en plus de personnes passent par des moyens pas toujours légaux là, pour les installer. Moi, je me faisais quêter ça. J'avais une licence développeur, puis je me faisais quêter des... Tu te faisais quêter des ouais. Pour te faire inscrire? Ouais. Moi aussi, ça a pas été long que je l'ai remboursé. Fallait tout le temps que j'inscrive quelqu'un. Moi-même, je les installais même pas. C'est vrai? Oui. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait inscrire jusqu'à 100 personnes dans le compte développeur. Apple, qui commence à avoir un parc un petit peu plus large d'appareils, permet maintenant, je pense, d'inscrire 200 personnes sur les comptes développeurs. Mais il faut dire qu'il y a des grosses compagnies qui utilisent ça aussi. Mais c'est pas logique que je pense aux développeurs de Angry Birds là, qui... Le premier exemple qui me vient à la tête, ils doivent avoir beaucoup plus que 100... Que 100 testeurs. Oui, c'est ça. Mais eux sont capables d'installer à l'interne. Tu es capable de l'installer sur autant d'appareils que tu veux à l'interne, ou ils ont peut-être un compte entreprise qui permet de monter jusqu'à 1000 utilisateurs. Ouais, j'imagine qu'ils doivent avoir... quand même. Donc, on parle du nouveau multitasking, qui est quand même plus intéressant et qui, un peu à la façon de certaines applications du côté de Jailbreak, permet de voir des petits thumbnails des applications, de basculer entre une et l'autre beaucoup plus facilement. Les fermer beaucoup plus facilement. Avant, c'était une chose en deux étapes qu'il fallait maintenir enfoncé puis appuyer sur les X. Maintenant, on fait juste les glisser vers le haut. Les glisser vers le haut. Avec l'iPad, même, on peut les glisser à quatre doigts. Là, s'il y en a quatre qui affichent, puis les quatre vont se fermer en même temps. Tout à fait. On parle aussi des améliorations du côté de l'application caméra qui permet un peu à la façon d'Instagram de prendre des photos carrées. Avec des filtres. Ouais. Avec des filtres, de prendre des photos panoramiques, de prendre des vidéos comme d'habitude. Et de c'est pas mal ça. Oui, le HDR aussi qui a été un petit peu amélioré. Le High Dynamic Range. C'est quoi ça, AirDrop? Il parle d'AirDrop, là? AirDrop, c'est une façon, en fait, de s'envoyer des documents entre un appareil et un autre. Et, ça permet de transférer des fichiers entre iPhone plus facilement ou entre iPhone et Mac. Je n'ai pas essayé. Mon Mac n'est pas compatible avec AirDrop. OK. Mais je ne vais pas essayer sur iPhone non plus, il faut dire. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai essayé, puis j'ai pas encore trouvé nécessairement la méthode. Donc, ils vont montrer comment ça fonctionne, mais c'est un peu nébuleux encore. Mais j'imagine que les applications vont devoir l'intégrer, le transfert. Maudit qu'ils ont de la misère avec ça, eux autres. C'est vrai. Ben, ce serait une façon, en fait, de transférer entre un appareil et un autre des documents sans avoir à les coller l'un à l'autre. Donc, c'est un peu un pied de nez au NFC. Parce que ça utiliserait Bluetooth ou Wi-Fi pour le faire. Ah, OK. Voilà. Puis ça utiliserait même la géolocalisation. Donc, je pense que tu pourrais comme envoyer à un de tes contacts, même si... En tout cas, on va voir un petit peu plus tard. Mais c'est une des fonctions nébuleuses que, malheureusement, je n'ai pas réussi à exploiter encore. Mais c'est des bêtas. Peut-être que ce n'est pas tout à fait prêt. Peut-être que quelqu'un, soit sur Twitter, par le hashtag PodMQ, est capable de nous expliquer si lui a réussi à le faire fonctionner. Voilà. Sinon, on est dans l'application musique, encore en train de faire un résumé des annonces. L'application musique, elle a changé beaucoup aussi. Oui. Moi, je suis vraiment pas amateur de la façon dont les albums sont triés maintenant. Non. On voit, mettons, si j'ouvre la page d'un artiste dans mon application musique, ben, je vois tous les albums un en dessous de l'autre, tandis qu'avant, je sélectionnais l'artiste, puis après, je sélectionnais l'album. J'avais le choix de faire afficher toutes les chansons de sélectionner l'album. Ouais. Mais moi, je suis du genre, quand j'ai un album, j'ai toutes les chansons de l'album sur mon iPhone. Puis là, quand je suis dans l'auto ou bien quand je suis à pied, avant, ça me prenait 2 secondes de changer d'album, mais maintenant, il faut que je descende, mais que je monte pour aller chercher la chanson. Demande à Siri, il peut t'aider. Ouais, mais... je suis pas un grand utilisateur de Siri. Il faudrait que je m'y mette là, à l'utiliser. Mais effectivement, c'est un petit peu problématique. Et ce qui se passe, c'est que si l'album est éponyme ou, mettons, c'est la chanson que tu veux écouter, t'as comme l'album au-dessus puis la chanson en dessous qui a le cover de l'album. Tu sais pas lequel est lequel. Puis là, tu pèses sur un. Puis là, il faut que tu repèses sur la musique. C'est effectivement un petit peu fatigant, un petit peu déroutant. Je m'en suis jamais servi, moi. De l'écoute de musique? T'écoutes ta musique où? Je l'écoute dans AirDisc. C'est-tu AirDisc que j'ai? Oui, tu streams ta musique à partir de ton ordinateur. Non, j'ai Phone Drive. Ah, OK. Je mets ma musique là-dedans. OK. Puis, comme un porte-clés USB, genre, plutôt que de passer par iTunes? Admettons, sur le même Wi-Fi, là, tu peux aller dans ton browser puis tu peux te glisser des fichiers. OK. N'importe quel genre de fichier, puis tu peux mettre la musique. Puis tu as un player là-dedans qui est quand même assez complet, là, qui est simple. Excuse-moi de changer de sujet, mais on vous l'avait annoncé en primeur il y a 15 minutes. iOS 7 va être disponible le 18 septembre. Ah, t'étais bon! Ce qui fait que le téléphone va être disponible le 20 septembre. On vient de confirmer là, nos dates de lancement. Ça va être disponible, comme ça avait été annoncé au WWDC, sur iPhone 4 ou plus, iPad 2 ou plus, iPad mini et iPod Touch de 5e génération. Voilà. Le design a été the power of the iPhone and iPad, oui, évidemment. C'est ça. Il n'y a pas eu de... Ils ont juste fait un résumé, là, finalement. La seule nouveauté qu'on sait sur iOS 7, c'est la date de lancement. Et puis là, maintenant, ils parlent des applications iWork pour iOS, là, qui annoncent finalement une nouvelle version là, qui va aller avec iOS 7. OK, il va y avoir un changement là, du design là, pour matcher. Pour matcher avec iOS, puis enlever tout le bois et tout ça. Est-ce que tu es un utilisateur de iWork? Non. Non. C'est un logiciel qui est beaucoup plus facile à utiliser que, par exemple, Word. Et c'est un logiciel que Apple pousse beaucoup et veut démocratiser. D'ailleurs, ils l'ont introduit dans iCloud. Mm-hmm. Maintenant, on peut utiliser sur Internet les trois logiciels, Keynote, Numbers et Page. Ah oui, ça fait-tu longtemps? Depuis la WWDC. Ah oui. C'est quoi, c'est en HTML5 ou... Oui, c'est une application développée en HTML5. C'est une application, si tu as un compte iCloud, tu as automatiquement maintenant ces trois applications-là que tu peux utiliser sur un furteur moderne, donc pas Internet Explorer 6, sur un PC. Donc maintenant, si tu envoies des fichiers Page à quelqu'un, ben il va pouvoir les ouvrir grâce à ces versions-là. Ah! Fait que... Apple essaye un petit peu de toujours rester dans son Apple 4As, mais d'offrir en fait des solutions sur le web. C'est sûr que des solutions comme Google Docs sont beaucoup plus avancées. Google Docs, ça ressemble plus à Word puis aux produits Office. Puis moi, je suis trop habitué avec les produits Office. Okay. Je suis pas capable d'utiliser iWork. C'est trop différent. C'est trop. De toute façon, si je fais un travail pour l'école puis j'arrive, je vais le continuer à l'école, je vais l'ouvrir sur PowerPoint, ouais, ça va ouvrir tout croche, puis ça ne sera pas pareil. Non. Ouais. Effectivement. Moi, tout, je suis mais maintenant, bien tu gros pourrais le faire en Keynote et tu pourrais l'ouvrir dans iCloud. Je fais Keynote. Quand je sais que je vais amener mon ordinateur pour faire une présentation, je vais faire la présentation sur Keynote parce que c'est beaucoup plus beau, je trouve. Mais sinon, depuis les dernières années, là, j'utilise quasiment exclusivement Google Drive, là, presque. Là, même. J'édite mes documents là-dessus, je fais des présentations là-dessus. Là, c'est pratique, Google Drive. Je pense que ça les chicote un peu, Apple, que Google ait tout ce système-là. Si je viens de bien comprendre, iWork est gratuit. Non. Parce que là, on parle, mais on ne lit plus là, ce qui... Oui, je viens de lire. Keynote, Page, Number, iPhoto et iMovie sont maintenant gratuits avec n'importe quel nouvel device iOS. Et Keynote étant 9,99, Page 9,99, ça fait 30 $, 15 $ pour iMovie et 15 $ pour iPhoto. Donc, ça fait 60 $ de logiciel qu'Apple donne. Il était 15 $ sur iOS aussi? Il me semble que oui. Ah ouais. Non, ça doit être moins cher. Ça doit être 10 $. Fait que ça fait une cinquantaine de dollars pour, ces applications-là. Ah, on est Est-ce que ça va être inclus quand on va acheter l'iPhone ou il va falloir les télécharger quand même? Quand on va ouvrir le téléphone, il va nous permettre de les télécharger. Okay, il fait présentement avec Find My Friends, Find iPhone. Exactement, et, okay. avec okay. iBooks, tout ça. Donc, ça veut dire que ça va être rajouté à votre compte iOS. OK. Fait que théoriquement, vous allez pouvoir peut-être les installer sur d'autres périphériques. Mm-hmm. Donc, on voit qu'Apple fait vraiment le focus là, vers iWork.com, là, oui. ce qui est disponible sur iCloud. Exactement. Business to an entirely different... Je suis en train de faire un résumé du iPhone 5. Finalement, ça fait un an que ça a été annoncé. Puis c'était le iPhone avec le processeur le plus puissant, le processeur graphique le plus puissant. On sait que on va transitionner là, dans l'iPhone 5S là, bientôt, là, bien. C'est juste une introduction, là, finalement. Est-ce qu'en régie, on est en mesure de peut-être faire des petits clips et de présenter... Vous avez tout ça live? Ouais. Ça vous tente-tu de nous présenter les derniers moments de la présentation? Bien là, on vient de présenter le screenshot avec toutes les applications maintenant qui sont gratuites. OK, excellent. Qui sont là. Puis on l'a emprunté à The Verge. C'est correct. On les en remercie. Mm-hmm. Mais on a fait comme Mac Rumors. Merci The Verge et merci Mac Rumors. On a Phil Schiller qui embarque sur la scène. Ça devient sérieux. Ouais, monsieur can't innovate no more my ass. Alors, on a deux silhouettes d'iPhone sur l'écran. Le premier est appelé 5C. iPhone 5C. Excellent. On est surpris. Là, c'est les vraies annonces qui commencent. Mm-hmm, c'est ça. Donc, est-ce que c'est pour Shin? Est-ce que c'est pour Cheap? Est-ce que c'est pour Color? L'iPhone 5C inclut tout ce que l'iPhone 5 a déjà et plus. Et plus. And more. Et plus. Ah, ça, c'est choquant. Un tout nouveau design, plus le fun, plus coloré que le iPhone présentement. Puis, quelques-uns d'entre vous ont peut-être vu certaines captures, photos sur Internet. J'ai hâte de voir ça. Mm-hmm. Oui, hein? Il y a une petite vidéo là, pour le présenter présentement. Toi, t'irais-tu avec un iPhone, tu sais-tu? Si... Un iPhone C? T'as-tu à changer le tien? Ben, non, moi, c'est un 5. OK. C'est un 5. Tu es satisfait? Oui, puis je doute qu'ils rajoutent... j'ai hâte de voir ce qu'ils vont rajouter qui fait plus que le 5, là. Mm-hmm. Ah, c'est donc, ça, plusieurs couleurs. On a quelqu'un vert, sur Twitter blanc, qui nous dit tantôt, on disait que iPhoto et iMovie était 15$ sur iOS, sont 4,99$. Ah, OK, OK. C'est moins payé. C'est moins payé. Là, on voit 5 couleurs, vert, de blanc, bleu, orange. Il y a 5 couleurs pour... Jaune. Je te dis qu'il y a un... Je suis certain qu'il y a un statement, moi. Arc-en-ciel comme ça, je suis certain qu'il y a un statement. Il manque 2 couleurs pour l'arc-en-ciel. Il manque indigo. Puis l'autre, là, c'est le mauve. Ah, OK. Donc, les côtés et l'arrière, c'est une pièce. Donc, c'est une grosse coque en plastique avec un écran en vitre là, sur le devant. OK. Ce qui irait avec ta théorie, en fait, c'est une grosse coque en plastique. Une grosse. Les boutons ont de l'air imbriqués dans le plastique aussi, hein? Ils n'ont pas de l'air. Ouais, c'est. Effectivement. Donc, une pièce unique, donc ce qu'on appelle le unibody. Mm-hmm. C'est un retour en arrière, finalement, parce que là, derrière, sur iPhone 3G, 3GS, c'est en plastique. Aussi. Tout à fait. Mm-hmm. Ouais. Le devant est une surface multi-touch, donc ça, c'est standard. Il est absolument gorgeous. Gorgeous, comment on De toute façon, tu sais, ils mettent ça, tu sais, de la vitre des deux côtés ou... Puis, ou bien, tu sais, comme pour le 4, puis pour le 5, c'est un beau design, mais la première affaire que le monde font, ils vont chercher un case qui enveloppe, puis qui cache tout ça, tu sais. Oui, effectivement. Oh boy, Apple a créé des étuis. The team has created a cool line of custom case just for the 5C, made from silicone rubber. Ah. On s'y attendait. Vous voyez l'enthousiasme dans ma voix? À 40 pièces chaque, j'imagine? Probablement, ou plus, là, même. Ouais. Oh, c'est fancy. Il y a des trous ouais. dans le case pour faire des contrastes de couleurs. Fait que si tu prends le vert et tu mets la housse orange, ça va faire quelque chose de fancy. C'est le fun, ça va faire des ronds d'usure aussi dans ouais, l'arrière. Tout à fait. Surtout que c'est en plastique, ça s'use plus rapidement, là, j'imagine. Je ne vais pas sortir juste les côtés négatifs. Là, mais... c'est du polycarbonate. Là. C'est la bonne vieille matière qui se raye avec tes clés. Il va y avoir des petits ronds rayés puis du quadrillage pas raying sur votre iPhone. When you pick up an old 5C for the first time, you'll be blown away by the quality. Je pense qu'ils veulent vraiment comme... T'sais, non, c'est pas un cheap, c'est une autre gamme. Parce que Samsung a la réputation là, de faire des appareils en plastique cheap. Un peu plastique a une feel cheap en arrière. Mais... Ouais. L'intérieur, en fait, serait fait de la même manière que les iPhones actuels. Mm-hmm. La puce serait une puce A6. Mm-hmm. Donc, l'intérieur complètement... complètement comme le iPhone 5. Mm-hmm. Fait que... On remarque aussi sur les photos qu'il n'y a pas de vitre blanche en avant. Même le blanc a une vitre noire en avant. Ah, OK. L'appareil est de 8 mégapixels. Même chose pour le 5. Il est un petit peu... La batterie est un petit peu plus large que le 5, donc il risque de durer plus longtemps. Mm-hmm. Mais si on se fie aux photos qu'on a vues, l'appareil est plus large aussi un petit peu. Ah, OK. Les bandes noires de chaque côté de l'écran sont plus larges. Ouais. Et ça supporte toutes les nouveautés de l'application caméra de iOS 7. Vous avez une caméra HD en avant. Et, cette caméra HD-là aurait des meilleures performances là, quand c'est sombre dans la pièce. Mm-hmm. Ouais. Ça s'appelle Fast Gay Porn. On a fait une blague de gay porn en régie ici. C'est du full sRGB. Fait que aussi pour tout ce qui est vidéo, ce qu'on utilise sur les plateaux, dès qu'on a un standard, pour partir de ce standard-là pour aller vers d'autres standards. Donc, une fois qu'on a un standard d'écran, c'est très bon pour même utiliser maintenant les téléphones comme viewfinder. Mettons une GoPro, on peut voir l'image de la GoPro sur le téléphone si on est sûr de l'image. Puis on sait que nos couleurs sont bonnes. Excellent point en régie. Mm-hmm. Maintenant, comme l'écran a un standard sRGB, on est capable d'utiliser ça comme viewfinder, c'est ce qu'on nous disait. 32 gigs, 199$. Est-ce que c'est le prix avec contrat, ça? With contract, oui. Mm-hmm. Le 16 gigs commence à 100$, le 32 gigs à 199$ avec contrat. Une mention intéressante ici, c'est marqué « More LTE bands than any other smartphone in the world ». Est-ce que ça voudrait dire qu'on éliminerait les modèles pour chaque fournisseur? Peut-être. Oui. Est-ce que la technologie AWS serait inclue là-dedans? Est-ce que Vidéotron aurait le plaisir de nous offrir un iPhone cheap? Tum, tum, tum, tum. Il nous offrirait les deux. Mais tel que dans le monde de Vidéotron que Jean-Michel voit, Vidéotron nous offrirait que le cheap. Même si l'iPhone 5 fonctionnerait juste avec le cheap. Ça serait leur style. Puis ils l'offriraient au plein prix pendant un an et demi de plus là, que les autres fournisseurs. Là. Quand Rogers va l'offrir à 0 $ mais Vidéotron va encore l'offrir là, à 99 $ Ouais. Une des choses qu'on ils a vont vu... faire leur propre keynote pour l'annoncer. Ici, au centre, dans leur magasin. Un flagship, puis ils vont engager du monde pour faire la file, puis pour que ça ait l'air gros, là, mais en réalité... Là, En fait, deux petites choses qu'on a vues, en fait, le LTE sur cet appareil-là pourrait se rendre jusqu'à 100 mégabits, mm-hmm. alors que Rogers dit que son réseau peut se rendre jusqu'à 150. Ouais. Donc, les normes Apple n'iraient pas, avec le 5C du moins, à la norme la plus haute. Ah, c'est dans des conditions idéales. C'est ça. C'est une salle isolée avec l'antenne à deux pieds de toit. Ouais. Avec une capuche spéciale pour l'aérodynamisme. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est que c'est toujours le réseau au niveau du Wi-Fi, A, B, G et N. Il n'y a pas de AC là-dedans. Ça va probablement être réservé. Oui, au 5S. C'est ça. Et on nous dit que le 5C est essentiellement identique au iPhone 5 en spécification, mais ils l'ont fait plus coloré en plastique au lieu de l'aluminium. C'est ça. Est-ce que Apple va continuer à offrir l'iPhone 5 aussi? Bonne question. Ça va être mélangeant. Là. Sinon, tu as l'iPhone 5, 5C, 5S, 4S qui vont rester là, pendant une petite période de temps. Du 4 aussi, ils sont encore offerts. En tout cas, pour un bout, ils n'en vendront plus là, des iPhone 5. Là. Ben, ils vont le vendre pour le design. Ben, il y a des gens qui vont préférer avoir l'aluminium au plastique, même si le plastique a un peu plus de fonctionnalité. Ouais, sauf que là, ils présentent deux appareils. Fait qu'il y a l'iPhone 5S qui s'en vient. Là. Mm-hmm. Puis si on a vu des photos du 5C sur Internet, on a probablement vu des photos du 5S sur Internet aussi. Donc, pas d'écran plus grand. Je pense que c'est confirmé. Puis il y a du monde qui nous disait, bon, ça va être pour l'année prochaine, finalement. Probablement le monde qui nous gosse depuis 8 mois à nous dire, le prochain iPhone va avoir un écran plus grand. Puis là, ils se sont dit, oups, je pense que je suis en train de me planter. Fait qu'ils ont dit, non, finalement, c'est pour l'année prochaine. Il n'y a pas eu d'annonce de prix hors contrat aussi. On ne sait pas encore. Là. Il y a une petite vidéo présentement là, qui joue là, chez Apple, mais... Peut-être qu'ils vont en parler après, mais ils ont juste parlé des prix avec contrat. Là. Ça va être intéressant à voir, là, parce que les gens s'attendent à ce que ça soit vraiment pas cher. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça va être quand même autour de 400 $ Ouais. Pour le... Moi, je dis 450. C'est 16 ou 32 là, qu'ils nous ont montré, là, ouais. 16 ou 32. Ouais. Moi, je dis 350 puis 450. Mm-hmm. Ça serait le fun. 350, ça serait quelque chose dans, un peu d'indent de certains modèles de... Ouais, c'est un marché. Mais ouais. Mac Rumors disent que non, ils ne vendront plus le 5. Ils ne vendront plus le 5. De toute façon, tu sais, c'est ça. De toute façon, ça sert à rien de tenir deux gammes d'appareils. Tu mélanges le client plus que d'autres choses. Ouais. Ouais. Surtout qu'ils ont tous le même nom, 5, 5C, 5S. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a une petite vidéo qui passe en ce moment. Fait que tu vois ce que j'ai dans les mains, là. C'est... La merde, jette ça par la fenêtre. C'est plus ça, man. C'est une vieille technologie. Ouais. C'est disparu. On fait des blagues avec ça, mais pour de vrai, votre appareil n'est pas désuet. Et on l'a vu très bien l'année passée, en fait, avec le 5 qui est sorti. Un iPhone 4S, c'était pas un appareil qui était désuet. Il y avait quelques fonctionnalités qui ne marchaient pas sur l'iPhone 4S, mais rien de flagrant, là, rien de vraiment de important. Frustrant, ouais. De frustrant, ce qui fait que... C'est laid, les couleurs, je m'excuse, mais c'est... Ça fait tellement... Moi, les tuis avec les trous, là, je le comprends vraiment pas. Ben, c'est vraiment pour rappeler les couleurs du iOS 7 c'est beau, pastel. C'est beau visuel, mais... Moi, je veux pas avoir ça dans mes mains. Uh-huh. Ce qui fait que je comprends que cet appareil-là n'est pas du tout fait pour nous. Non, il n'est pas le type d'acheteur pour ces appareils-là. Nous autres, on veut le métal avec des spikes, des pneus crampons, puis quelque chose qui arrache. Moi, j'achèterais le blanc. Oui? Oui. Le blanc, il est beau, mais je ne mettrais pas un case... S'ils sortent un gold ou un champagne ou un silver, est-ce que tu laisserais tomber le blanc ou le noir pour l'iPhone 5S? J'irais pour le gris. Peut-être pas le champagne. Là. Non? Non. S'ils sortent juste le champagne, pas de gris? Non, là, je resterais avec le blanc ou le noir. Oui. Ouais. OK. Oui. Moi, je m'en fous, je le mets dans une housse, j'irai avec le champagne. Avoir la confirmation de la date de lancement dans quelques minutes, quelques secondes. Ah, sont lettres, les icônes, là. Je, je, je, On s'habitue, je trouve. Au début, là, j'avais la même réaction, là, mais là, on s'habitue. Ils ont altéré un petit peu. Ils ont enlevé... Ils ont rajouté beaucoup de couleurs dans les settings, les préférences. Là, avant, tous les icônes étaient de la même couleur, mais maintenant, ils ont modifié ça par couleur. Il n'y a pas de date de lancement d'annoncé encore. Il n'y a pas de prix hors contrat. On passe tout de suite au iPhone 5S. Oui. Ah. De 5S, pour moi, ils vont tout annoncer ça à la fin, là, tout en même temps. Donc, le iPhone 5S est le téléphone le plus en avant qu'on a jamais créé. Évidemment, ils ne vont pas créer un téléphone qui est comme 2-3 années en arrière. Mais déjà qu'ils vont se faire critiquer. Là, ouais, ouais, aujourd'hui, j'ose même pas imaginer la réaction s'il y aurait des. S'il y avait. S'il aurait commencé par dire ouais, mais on a fait des compromis. Effectivement. Est-ce qu'on est capable, peut-être en régie, d'aller voir à l'heure actuelle, en ce moment, la cote en bourse d'Apple? J'aimerais savoir combien ils valent. 503,63. On va regarder. Au début, on était à combien? On était à. Ah, t'es allé le chercher? Oui, 503,90. Donc, on a perdu 30 cents. Ça va pas bien? Ben, oh, est-ce que c'est. Oui, on a la nouvelle blanc, couleur, noir et gold. Gold. Bon, ben, les... Il l'appelle gold. C'est drôle, il y a des lits. Les lits qui sont plus. Les leaks sont pas mal plus... ça coche. Oui, ouais. Tout à fait. Par contre, une des choses qu'on n'a pas vu dans les leaks, c'est un de ces appareils-là allumé. Comme les fonctionnalités au niveau logiciel. C'est on peut prendre iOS d'un côté, on peut prendre le téléphone de l'autre, mais les faire fonctionner ensemble, ça, on ne l'a pas vu encore sur Internet. On va l'apprendre là. Le gold était attendu. On avait eu beaucoup de rumeurs en ce sens-là. On voit là, comme la silhouette là, du petit rond de lumière là, qui remplacerait le home button, on dirait, là, dans la photo. Là, oui. Ils ont mis quand même un petit emphase là-dessus. Le noir est maintenant, ils appellent ça space gray, donc gris espace, apparemment. Donc, le côté du téléphone qui va peut-être... qui est noir parler sur le noir, peu, qui va pâlir un petit peu. Donc, un halo plus métallique. Ben, ils vont pâlir un petit peu parce qu'ils s'étaient fait critiquer au lancement que quand le métal chipait un petit peu ou quand ils graffinaient, ça venait plus pâle. Pour moi, ils vont le mettre toute la même couleur. Fait comme ça, les graphings ne paraîtront pas. Oui, c'est comme t'acheter un char couleur rouille. On annonce une avancée en avant avec la puce A7 System on Chip. Les statistiques qu'on avait, c'est une puce qui est 64 bits. Mm-hmm. Ça donne pas grand-chose au téléphone actuellement, mais c'est du forward thinking, en fait. C'est de voir pour le futur. Donc, on va déjà commencer à développer les applications qui vont aller chercher ça. Puis, le 64 bits... Ça va lui permettre de monter la mémoire. Exactement, pour le futur. Donc, ça va déjà être couvert. La transition va être beaucoup plus smooth à ce moment-là. Et le A7, en fait, les rumeurs disaient une amélioration des performances de 30%. Et on disait que c'était un recul par rapport aux années précédentes où on nous donnait toujours 50% d'amélioration. Mm-hmm. D'ailleurs, si c'est le cas, on le mentionnera pas aujourd'hui. Apple, quand ils n'ont pas des chiffres aussi impressionnants... Il y a le résumé, justement, puis ils ne parlent pas de performance tout de suite. Exactement. Donc, une architecture 64 bits, un set d'instructions modernes, 2 times general purpose registers, 2 floating point registers over 1 million transistors, 102 mm de grandeur. Donc, on ne parle vraiment pas au niveau des performances. On nous dit que ça... C'est quoi le general purpose registers? As-tu une idée, non? Aucune idée. OK. Il y aurait une version... iOS 7 serait rendu 64 bits, là, justement. Là, il mettrait à profit là, cette nouvelle fonctionnalité-là. Je ne sais pas quelque chose que les gens là, vont voir une différence. Pensez-vous qu'ils vont améliorer la pile là-dedans? Je pense qu'en le mettant 64 bits, puis en fait, toutes les améliorations qu'ils vont faire, ils vont le dire, mais je pense qu'il y a une amélioration au niveau de la performance. Apple, durant la dernière année, nous a montré que c'était la direction dans laquelle ils allaient, entre autres avec le MacBook Air. Et habituellement, ils fonctionnent toujours en deux étapes de mise à jour. Donc, le nouveau chiffre, là, comme iPhone 5, et qui serait le tick, et le toc, qui serait le quand ils rajoutent la lettre. Et la lettre, c'est souvent des améliorations au niveau du côté fabrication et performance de la batterie. Okay. Donc, habituellement, c'est ce qu'on va voir. On dit que c'est deux fois plus rapide, là, au niveau là, de la vitesse? Oui, toujours au niveau graphique. Puis on rajoute que le 33% qui a leaké était vraiment, vraiment pas correct. Là. Je vois on dit là, justement dans un graphique que c'est 40%, 40 fois plus rapide au niveau de la performance du processeur que l'iPhone original. Puis 56 fois plus rapide au niveau des graphiques là, que le premier iPhone. Quand même quelque chose en quoi? 6 ans? 6 ans? 2013, 7 ans. 7 ans, oui. 6 ans. 6 ans, oui. Ouais. On a brièvement dépassé les 400 personnes qui nous regardaient. Pour on ne sait pas où sont passés. On est à 400. Ah, 400. Moi, ça varie entre 395 et 405, à peu près. À Apple, qui a quand même annoncé très, très tard, en fait, qu'ils allaient... Il n'y a rien d'officiel. Ah non? Non. Ah, il y a eu un leak du lien. OK. Il n'y a rien d'officiel. Sur l'Apple TV, c'est pas streamé. Sur le site, ce n'est pas streamé non plus. OK. La personne qui a le lien va pouvoir l'écouter en direct, on imagine. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Probablement sur le téléphone de quelqu'un qui est là-bas. Oui. Jouez-vous beaucoup à des jeux, vous autres, sur des jeux qui demandent de la performance graphique? Quand je veux jouer, je vais jouer sur mon ordi. Oui, c'est ça. Hein? Je joue en ce moment à 2 ou 3 jeux. Un, c'est j'ai vraiment réaccroché à cause de Plants vs. Zombies 2. Je jouais beaucoup sur mon téléphone. Puis il y a quelques trucs qui m'agacent, entre autres que j'ai probablement mis une forte somme d'argent sur ce jeu-là. Autour des 3 chiffres. Sur Plants vs. Zombies? Oui, acheter des cossins et des plantes, des niaiseries. J'espère que ma blonde n'écoute pas. Fait que là, je me suis dit, on va se calmer, on va retourner au 1, puis je l'ai installé sur mon ordi. Ah, OK. Le 1 est fun parce que t'as pas besoin de payer, là, justement. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Ah oui, il est rendu gratuit, là. L'achètes, mais un coup que tu l'as acheté, tu n'as plus besoin de payer pour rien. C'est pas des in-app purchase, là, comme je veux telle plante que j'avais dans le numéro 1 puis qui m'aidait vraiment beaucoup. Ben, crash 3,99, tu sais. Ah, ben, moi, je suis le cave qui les a achetés. Oui. On est en train de. C'est une personne qui travaille pour Epic Games, le créateur de Infinity Blade, qui est en train de présenter les nouvelles capacités graphiques, justement, que l'iPhone. Oui, c'est le jeu qui présente en démo et qui ne sortira jamais. Moi, sûrement, il y en a eu un qui est annulé. Oui, iPhone, l'année passée. Mm-hmm. Ils ont présenté les nouvelles capacités graphiques du iPhone 5 et le jeu n'est jamais sorti. Ah, ouais. Hein. C'est drôle qu'ils aient réinvité. Mais c'est ça, je comprends pas. Y a-tu une grosse demande tant que ça pour les jeux? Tu sais, les jeux 3D surtout, là? Ben, c'est des jeux AAA qu'on appelle, là, des gros, gros jeux. Est-ce qu'il y a une demande? Tu sais, les jeux les plus populaires, c'est tout le temps des affaires bien, bien banales, comme des Candy Crush, puis des Plants vs. Zombies, puis des Bubble. Ben, ces jeux-là qui sont très, très poussés graphiquement sont là pour montrer les capacités graphiques de l'appareil, sont quand même beaucoup téléchargés. Là, un jeu comme Infinity Blade va faire beaucoup de scores. Ah ouais? Mais tu as raison de dire que c'est les casual games qui se vendent plus. Ben là, les Flying Bird, puis les Plants vs. Zombies, puis Angry Birds, ce sont les jeux qui se vendent le plus. Je pense qu'ils ont tapé en moins d'une semaine pour Plants vs. Zombies 2 le nombre de téléchargements qu'ils avaient fait pour la première version. Ben, le 1 était vendu quasiment 10$, il faut dire. Oui, quand même. Tu réfléchis avant d'acheter ça, mais le 2, pour moi, les gens l'ont téléchargé parce qu'il était gratuit, mais là, ils le rouvrent, ils se rendent compte qu'ils doivent payer 1,99$ pour ça, 3$ pour ça, 4$ pour ça. Pour moi, ils ont joué, ils ont fait le premier niveau, puis se sont rendus compte que c'était quasi impossible d'évoluer là-dedans. Là, puis ils ont pour le 2, ça? Pour le 2, oui. Ah ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai, là. T'es encore en train de présenter Infinity Blade. Là, c'est long comme présentation. Il y a M. Sébastien Leclerc qui m'écrit sur Twitter que les General Purpose Registered servent quand on code en assembleur. Et c'est pour stocker des données du programme. Donc, on peut en mettre en fait 2 fois plus là-dedans. Ah. Merci. Il y a Miss Pixel qui dit que je suis vraiment fort. Mais... Je sais pas pourquoi, moi, jamais vu lever quoi lui que ce soit. Lui est fort, moi, je suis beau. Ouais. Puis lui est intelligent. À 3, nous sommes élite, Québec. Est-ce qu'on est capable, peut-être, de présenter un petit truc avec du son de la présentation? Ou. Non, on capture pas ça? On peut chercher, on peut chercher ça. Tu sais, vu que les autres le font, c'est pas nous autres qu'Apple va venir chercher en premier. Il n'y a personne qui fait ça. Non? Non. C'est Apple qui diffuse officiellement. Oui, c'est ça. Officiellement. Là, c'est ouais. Le lien qui n'est pas public encore. Oui, lui. On se fait barrer. Bois. Ça a l'air que ça dérange pas trop Gizmodo d'être barré. Puis Léo Laporte, tu disais aussi qu'il était barré? Oui, Léo Laporte, il avait diffusé... Je pense qu'il avait diffusé... Il avait diffusé de la vidéo. Il filmait avec son téléphone. Okay. Il avait été invité là, sur place. Puis il avait diffusé un petit peu de vidéo, une affaire de 10-15 secondes. OK. Puis ils n'ont pas aimé barré. Ça. Puis pourtant, ça a été... C'est un des grands évangélistes d'Apple. D'Apple, hein? Ouais. Tu sais, là. Mais quand tu fâches Steve Jobs, t'es barré à vie, tu sais. En fait, tu demandais tout à l'heure, tu posais la question que souvent on pose, est-ce que Steve Jobs aurait fait ça? Apple n'est pas la compagnie d'une seule personne dans un premier temps, mais pour Infinity Blade... Elle l'était quand c'était... Ça paraissait comme ça, mais ce que Steve Jobs a probablement laissé de plus important comme héritage, c'est probablement les têtes dirigeantes qui sont à la tête de Apple actuellement. C'est un gars qui est revenu en 97 et qui avait changé dans le 10 ans où il était parti de Apple. Et c'était un meilleur juge de caractère à ce moment-là. Il n'était pas allé chercher un gars de Pepsi. Et c'est là qu'il a commencé à reconstruire une compagnie qui allait lui survivre au niveau de la pérennité des gens qui sont à la tête de Apple. C'est pas comme des pions. C'était pas un gars qui s'entourait de marionnettes qui disaient oui, oui. Et on a des anecdotes qui sortent assez souvent que Steve Jobs était contre ci, était contre ça, mais il s'est laissé convaincre quand même de faire un certain nombre de Il y avait une certaine choses. Ouverture. Non, je pense que il faisait pleurer dans leur coin et il disait « Non, c'est vraiment pas bon ce que tu es en train de dire. » On est de retour avec les annonces. Hein. Phil Schiller est de retour sur la scène et a annoncé une nouvelle puce qui serait dans l'iPhone 5S. Ça s'appelle M7. C'est un genre de processeur qui s'occupe de reconnaître les mouvements de l'appareil. Là. Donc, ce serait l'accéléromètre, le gyroscope, puis la boussole qui seraient regroupés là, dans la même puce. Ce serait une puce qui serait développée par Apple, là, d'après ce qu'on voit, au lieu d'être des composantes séparées. Et qui enable a new generation of health and fitness apps. Ah! Donc, c'est comme les gens qui ont eu une Wii se rappelleront du petit cossin qu'ils t'ont vendu 6 mois plus tard pour améliorer la captation de la télécommande. C'est peut-être un peu la même chose. Je pense que ils se sont aperçus que, justement, les appareils mobiles, les appareils intelligents comme ça, là, c'était des bons appareils pour faire des exercices. Puis oui. Je pense qu'ils veulent. Ils se sont aperçus qu'il y avait un marché là. C'est la porte d'entrée, en fait. Quand on parle d'une montre iPhone, la iWatch, là, la mythique iWatch qui devrait sortir éventuellement, on dit que Apple pourrait prendre. C'est ce qu'on appelle le wearable. Computing, donc du computing de l'ordinateur portable, mais portable dans le sens de vêtements. Et c'est probablement la tangente qu'Apple prendrait d'offrir une montre dans laquelle il y a un peu ce qu'on a déjà avec le Nike Fuel Band, avec le Fitbit et autres trucs comme ça qui sortent pour le fitness. Fait que, tu sais, tu mets un bracelet, puis toi puis moi, il nous dirait, puis Jean-Michel aussi, il nous dirait comme, j'abandonne, je vais juste te donner l'heure, parce que toi puis moi, on va tomber en dépression si je te donne d'autres choses, tu sais. Tu manges pas bien, tu bouges pas. C'est ton bracelet, comme il y a un automotion, puis essaie de te tirer dehors. Tu me bouges, ah ouais, il sort. Il te donne des chocs quand tu rentres dans un McDonald's. Avec notre nouvelle technologie de GPS, dès que vous approchez de la porte d'un fast-food, vous recevez un choc électrique. On parle de la durée de vie de la batterie aussi. Oui. Qui serait égal ou meilleur que l'iPhone 5. Je ne sais pas, je me souviens pas exactement à quoi ça ressemble. Là, L'iPhone 5, c'est bien inégal. J'ai un ami, Dan Delorme, qui, lui, ça y t'offre. Il a changé en plus son téléphone souvent. Ça y t'offre une affaire comme 2-3 heures. Là. Ah oui, mais le sexting, mon gars, ça. Puis moi, ma pile, elle peut me durer une journée quasiment complète. Si je ne suis pas trop intense dessus, là, mais tu sais, juste texter une fois de temps en temps, tout ça, je suis capable de toffer toute la journée avec ma... Moi, je me suis acheté une batterie pour le recharger. Ça s'appelle, c'est une Yaris. Elle m'a coûté à peu près 9 000$. Puis quand je rentre dedans, je plug mon téléphone, puis ça recharge. Faut juste que je stationne un peu puis que je laisse tourner le moteur, là, mais rien de bien grave. Mais oui, je suis obligé quand même de le charger assez souvent. Si vous avez des doutes sur la qualité de votre batterie, ben vous prenez un petit rendez-vous au Apple Store. Ils ont tous les instruments pour tester le iPhone. Puis là, il y a une petite dot qui apparaît. Puis là, ben c'est comme un peu une loterie. Ça apparaît, puis ça dit oui, est correct, non, est pas correct. Oui, on va te le changer. Ah. Fait que si vraiment il y a un gros problème avec ça, vous pouvez aller là. By the way, la date de sortie du iPhone 5, c'était quand? C'est le 21 septembre, vendredi 21 septembre. Non, pas du 5... Ah, 21 septembre l'année prochaine, l'année passée? L'année passée, oui. C'était pas en octobre? Non. Le iPad, c'est en octobre. iPad mini, iPad, ah, t'as raison. Donc, votre date de garantie pour le iPhone 5 se termine le 21 septembre, si vous l'avez acheté jour 1. Et à ce moment-là, ben c'est la dernière journée, en fait. En fait, le 20 mm-hmm. septembre serait la dernière journée ben, pour acheter pas, la garantie prolongée. On va y aller le 19 ah, ouais, septembre. Hey, tu fais bien de me le rappeler. Tu fais bien de me le rappeler. Mais maintenant, AppleCare Plus doit être acheté dans les 30 premiers jours, donc ils peuvent même plus acheter dans AppleCare. Y a-tu AppleCare et AppleCare Plus? Non, c'est juste AppleCare Plus, puis ça doit être acheté dans les 30 premiers jours. Okay. Ah, pour vrai? Fait que ouais. Je peux plus l'acheter? Non. Tu l'as acheté avec une carte de crédit? Tu peux aller faire changer ton iPhone aux 90 jours parce que ton iPhone de remplacement a une garantie d'au moins 90 jours. C'est bon, fou. Ben, fais ça. Fait que je peux pas acheter d'AppleCare mon affaire? Non. Il n'y a pas beaucoup de compagnies, de toute façon, qui te laissent l'acheter. Apple te laisse l'acheter à l'intérieur de la première année, ta garantie prolongée pour ton ordinateur. Mais effectivement, ils nous ont avertis. J'avais fait ça avec mon 3G, puis j'avais trouvé ça génial. Tu sais. D'acheter la garantie plus tard. Mm-hmm. Fait que c'est un vieux cossin, c'est même plus supporté. Ouais, c'est une vieille affaire. Jette ça. Si ça se trouve, en fait, il va t'exploser dans les mains quand tu vas sortir d'ici. Mm. Sinon, là, sont en train de parler ou de finir de parler de la caméra là, qui va subir des changements aussi. On parle d'une ouverture 2.2 au lieu de 2.0 qu'on parlait tantôt. On parlait de 2.0, mais elle est 2.4 actuellement, non? Oui, ça, mais là, ça va être 2.2. OK. Mm-hmm. Ils gardent le 2.0 pour l'année prochaine. Les pourris. Le capteur va être 15% plus gros. Là, c'est toujours bon, un plus gros capteur, il y a plus de lumière qui rentre, là, donc les photos sont de meilleure qualité. Peu importe l'éclairage. Mm-hmm. Bigger pixel, let in more light, better color, less noise. Ah, ils montrent des photos justement de comparaison de... Là, entre le. Apple, malgré qu'ils offrent pas nécessairement le plus gros capteur, le plus de mégapixels, actuellement, ce n'est pas l'appareil photo, le iPhone 5 n'est pas l'appareil photo qui a la qualité la plus haute au niveau des photos, mm-hmm. mais c'est pas le plus pourri, loin de là. C'est ça. Et même des appareils qui se targuent d'avoir plus de mégapixels sont moins bons. Mm-hmm. Si vous cherchez un appareil photo qui a une bonne caméra, le Lumia 1020, mm-hmm. Si je ne me trompe pas, un appareil photo de 41 mégapixels, puis ils ont vraiment mis la totale au niveau de la qualité de photo. Puis le Moto X aussi, je pense qu'il y a des bonnes technologies au niveau de l'appareil photo. Des fois, il ne faut pas juste se fier aux mégapixels, il faut vraiment se fier aux spécifications. Oui. Parce que tu peux avoir un capteur qui a plein de mégapixels, mais il y a du noise. Puis, de toute façon, les fabricants d'appareils photo, là, eux autres, ils ont fini la guerre des mégapixels. Tu sais, à un moment donné, là, c'était la guerre des mégapixels. Mm-hmm. Mais c'est fini, cette guerre-là. Là. Ils sont rendus... ils améliorent plus. Ils se concentrent au niveau de la... Là, c'est des appareils mirrorless. C'est des appareils transportables, mais de la même technologie que DSLR. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens, ma Canon préférée dans la série G a changé à un moment donné pour un meilleur capteur qui avait moins de mégapixels, mais le capteur est d'une bien meilleure qualité avec les photos. D'ailleurs, peut-être que Christian... Juste pour vous dire, pour l'AppleCare Plus, on le vend dans les 30 premiers jours parce qu'il couvre aussi les dommages accidentels. Oui. Fait que c'est la raison pourquoi il vend dans les 30 premiers jours. Sinon, dès que quelqu'un échappe son téléphone, ça soit dessus qui l'achète. Télésino nous informe que le AppleCare Plus, c'est dans les 30 premiers jours parce que le plus, ça veut dire que ça couvre les dommages accidentels. J'allais dire que peut-être que Christian Jarry ou Stéphane Vaillancourt, le technophile, nous écoute dans les 381 personnes qui sont avec nous. Et peut-être que ça serait intéressant de faire une émission spéciale sur, ou peut-être qu'ils l'ont déjà fait, à leur podcast Objectif numérique. Donc peut-être que il y a une émission spéciale faite sur les appareils photo de téléphone cellulaire. C'est fou comment on pensait pas utiliser notre téléphone, puis en fait, on a vraiment on l'utilise vraiment comme un appareil photo de plus en plus. Là, là, les, moi, là, j'en prends pour exemple, là, on, spectacle pour enfants, tout ça. Là, j'amène plus mon gros appareil photo. J'amène j'ai mon téléphone, je l'ai dans les poches, puis je m'assure qu'il est bien chargé, puis ça fait une maudite bonne job. Ben oui. On parlait de rumeurs au niveau du 120 frames par seconde. Ça, ben là, tout d'abord, ils ont annoncé qu'en mode photo, il allait avoir un mode burst, finalement, à 10 images par seconde. Oh, quand même. Ah, maintenant, okay. Le bouton enfoncé, c'est intéressant quand c'est des scènes d'action, là, oui. Finalement, ouais. Ou bien quand c'est un... Prenez une photo de votre enfant. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Là, on en prend plusieurs, puis on sélectionne la meilleure après. Mm-hmm. Mais aussi, il va avoir en mode vidéo, la vidéo 720p à 120 images par seconde. Oh. Donc, pour faire du slow-mo. Mm-hmm. C'est ça. Puis des vidéos normales en 1080p à 30 frames par seconde. C'est ça. Est-ce que les gens en régie ont quelque chose à dire par rapport à ces trucs-là? Ben, voir la qualité de la caméra, là, mais pour les slow-mo, ouais, c'est fun. Excellent. C'est un ajout que tu te sers une fois, deux fois dans une année. T'sais. T'sais, c'est comme le panoramique. Là. C'est un ajout. C'est comme, ah oui, ça fait des panoramiques. C'est sexy, mais tu t'en sers combien de fois? La panoramique. T'sais. Je peux pas dire une ou deux fois dans l'année, mais je peux pas dire plus que vraiment 10 fois. Tu as raison. Fait que ça, tu sais, on va voir plein de slow-mo. Mais tu sais, des panoramas du fond de ta cave à Brossard, là, c'est pas si intéressant que ça. Faut sortir un peu pour voir des paysages et faire un panorama. On est en train de montrer une autre photo d'écureuil qu'on avait montré, je pense, au iPhone 3 ou 4S. Et cette photo-là avait amené, vu qu'il y avait une amélioration sur l'appareil photo à ce moment-là, on avait dit que le S, c'était iPhone 4 Squirrel. OK. Oh, oui, parce que le capteur photo était beaucoup plus rapide et tu avais le temps à ce moment-là de prendre une photo d'un écureuil sans qu'il soit bleu. Tu as probablement raison parce que Phil Schiller aurait dit That is one majestic squirrel, sûrement pour faire référence à ce que tu dis. Ah, les panoramiques vont être meilleurs. Oui, à 28 mégapixels de panorama. Ouais. Ça fait quand même du mégapixel solide. Oui. On voit des photos. Je pense que ça fait quand même trois heures qu'on est en train de diffuser de midi. Presque 2 heures qu'on est en train de diffuser. Il y a encore 375 personnes qui sont à l'écoute. Et sans que je veuille. C'est quand même surprenant aussi quand on a ouvert l'ordinateur, là, 2 heures avant la diffusion, il y avait déjà une cinquantaine de personnes connectées. Tout à fait. On a un line-up. On a des line-up. On a un line-up. Mais est-ce qu'on se sent un petit peu. Un petit peu mal de faire descendre la productivité du Québec ou peut-être d'ailleurs comme ça? Pas du tout. Ben c'est moi, Noël. Avant de participer à ce genre d'événement-là, je les écoutais là, moi aussi. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Ouais. C'est drôle. Ça arrive 2-3 fois par année. C'est fou, hein? C'est pour une bébelle En polycarbonate? En polycarbonate, en plastique. On est là. Il y a des milliers de personnes qui suivent ça. Mais c'est fou la culture qu'ils ont réussi à nous implanter dans la tête. Mais t'es quand même un amateur de musique. T'es un petit peu plus vieux que moi. Puis quand on écoute ton podcast, tu passes beaucoup de musique. T'as des goûts musicaux très poussés. T'as probablement déjà fait à ton époque la file pour acheter des billets. Pas en tout. Non? Non. Moi, je suis allé pour Pink Floyd. Ah ouais? Oui. En 1994, ils sont venus au Stade olympique. Ouais. Pire choix ever pour le son. Ah, pour vrai? Ben c'est zéro acoustique au Stade olympique. Ouais, non. Et, pardon? Ah. Oui, on est rendu à la sécurité. Oh! On parle. Biométrie! C'est le gros changement, là, finalement. Là, la caméra, le processeur, on n'était plus entendu parler de ça, mais là, c'est la grosse nouvelle fonctionnalité. Et puis ça s'appellerait Touch ID Sensor. Avant d'annoncer le nom, Phil Schiller a justement parlé que le mode de protection le plus commun, c'était le mot de passe avec des chiffres ou des lettres. Et puis que, surprenamment, il y avait plus que 50% des gens qui n'avaient aucun mot de passe sur leur téléphone. Ah! C'est un point de vue sécurité. On a plein de renseignements personnels là, quand même là-dessus. Ouais. Là, mais il y a bien du monde qui vont probablement le désactiver, ça aussi, tu sais. Oui, parce que la NSA tape direct dedans. Ben quoi que, tu sais, c'est facile. Il faut que tu payes sur ce bouton-là, anyway, tu sais. Fait que oui, ça peut être pratique, mais c'est que le taux de... En tout cas, ceux qui ont cette technologie-là ailleurs, le taux de faux positif est à peu près de 75, de 25 %. Ah oui? Oui. Je subodore pas une conspiration, mais qu'il va avoir un piton pour le mettre à off, puis que ça le mettra pas tout à fait à off. Puis là, Apple va dire, « Oh non, mais il y a un hotfix qui s'en vient, désolé, blablabla, bla, bla, on voulait pas faire un méga fichier empreintes digitales. » Je ne penserais pas. Là. C'est trop sensible comme sujet. Là, Apple se mettrait trop là, dans le trouble là, si... OK. Alors, donc, on parle, sinon, c'est un capteur d'empreintes digitales qui est inclus au bouton d'accueil. Il donne des spécifications, une résolution de 500 ppi. On va pouvoir prendre des photos avec nous. Nos boutons home. Et puis, ça fonctionne à 360 degrés, donc on peut tenir l'iPhone dans n'importe quelle direction, puis peser dessus. Est-ce que j'ai hâte de voir c'est dans quel, comment ça va être intégré? Est-ce que ça va seulement remplacer le mot de passe du téléphone? Est-ce que ça va remplacer le mot de passe iTunes? Oui, ils sont en train de le dire. You can also use it to make iTunes purchases. Ça, c'est simple, par exemple. Tu sais, je suis en train de marcher, là, je vais acheter une chanson, j'ai juste à mettre mon doigt là, sur le bouton d'accueil au lieu de rentrer mon mot de passe là, à 14 caractères avec des lettres, des majuscules. Des... J'ai récemment sécurisé mon ordinateur et après quelques minutes, il se met en pause et on me demande le mot de passe. Et ça fait à peu près une semaine et demie que je me réveille et l'ordinateur est sur le compte invité. C'est mon fils de 4 ans qui se lève, qui s'en va sur l'ordinateur, puis là, il veut bisouner sur l'ordinateur de papa et qui se logue dans le compte invité qui, lui, n'a pas besoin de... Ouais. De mot de passe. Il a juste accès à Safari. Oui, c'est ça. Il a juste accès à Safari. Fait que quand je délogue, ça me demande « Veux-tu tout effacer les logs puis les fichiers puis ce qui aurait pu scraper, tu sais? » Mais c'est toujours déjà... pratique un compte de même, hein? Oui. Mais j'ai un compte pour mes enfants, j'ai un compte... tu sais, je mets un compte... peu importe l'OS que j'ai, là. Je mets un compte pour les enfants, pour qu'ils puissent aller dans leurs affaires. Mes deux filles ont leur compte. Puis, selon l'âge qu'elles ont, tu peux limiter, en fait, si tu veux que ta plus jeune, par exemple, ait seulement accès à certains sites web que toi, tu as déterminés et t'as mis dans les favoris. Ou pour la plus vieille, ben là, tu y ouvres, là, tu sais, Perez Hilton, puis Hollywood PQ, puis tiens, voici un lien direct pour toutes les vidéos de Miley Cyrus. Pratique ton twerking, chérie. Bon, ça y est, je fais une joke de twerking, puis il y a comme un malaise. Bon, une récapitulation, Jean-Michel. Une récapitulation, c'est présentement une vidéo de Johnny Ive là, qui présente tout ce qui a été présenté là, au sujet là, du capteur d'empreintes digitales. Ça prend un « one more thing ». Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de « one more thing », hein? Ah, ben, ils peuvent pas l'utiliser, c'est Samsung qui l'a fait la semaine passée. Pour de vrai? Oui, le Coréen qui était en avant, il a fait « oh, un « one more thing ». Puis il a présenté juste une tablette. Là. C'est la tablette que je te parlais tout à l'heure, la 8 pouces. Là, mais il a vraiment utilisé les termes « one more thing ». C'était drôle. Je pense que c'est son nom, « one more thing ». Donc vraiment, en tout cas. Donc, il montre comment Il aurait pu respecter ça, là, mais... il aurait pu, parce que c'est... Apple n'a pas utilisé depuis... en fait, la dernière fois que Steve Jobs l'a utilisé... Je pense que c'était pour un iPad ou quelque chose comme ça. Je suis pas certain. C'est pas gros. C'était pas si gros que ça. Puis ça a plus jamais été utilisé. Ça fait, ça fait un bon 3 ans que ça a pas été utilisé au minimum, le One More Thing. Ils devraient en refaire. C'était le fun. Le senseur cartographie les détails individuels de vos empreintes digitales pour être sûr que c'est bien à vous le téléphone. Ça a été un match, le dernier One More Thing. C'est-tu ce qu'il pourrait faire, là, ce qu'il aurait pu faire? C'est juste pour bien... Tu sais, pour pouvoir rattraper ton téléphone si jamais tu te le fais voler, là, ça devrait prendre ça pour pouvoir le fermer. Ça devrait prendre soit le code ou soit le fingerprint pour pouvoir le fermer. Tu sais, là, quelqu'un qui vole ton téléphone, il paye sur le piton, il ferme, puis ça y est, c'est fait. C'est une bonne idée. C'est vrai, ça. Pour utiliser Find My iPhone. Là, je sais pas s'ils vont être capables de faire ça. Là, tu sais, là, genre, tu pèses, tu t'attends 5 secondes, tu fermes le téléphone, mais parce que c'est la première affaire que un voleur va faire, t'as raison. Ça prendrait un code pour pouvoir le fermer ou soit le... Mais dans iOS 7, il y a une fonctionnalité qui fait que tu peux barrer le téléphone et qui peut plus se réenregistrer auprès d'iTunes. Ouais. Tu peux faire ça. Tu peux bloquer ton téléphone qui ne peut pas être restauré. Parce que quand tu le restaures, il y a un appel qui est fait à iTunes. Mm-hmm. Tu peux aller mais le bloquer. Quand tu le bloques sur iCloud, il ne peut plus faire cet appel-là. Fait qu'il est bloqué, là, théoriquement. Ça fait un peu la même chose. Le gars a beau l'avoir fermé puis tu le quittes. Si toi, tu le bloques, la prochaine, le gars, pour le revendre, bon, il peut aller dans un pawn shop, là, mais éventuellement, dans la ligne, il y a quelqu'un qui va bien le rallumer puis le plugger à iTunes, là, ce téléphone-là. On a un bon point de quelqu'un sur Twitter. Il parle de certains étuis qui bloquent le home button, qui est comme je pense au Otterbox Defender qui recouvre vraiment tout l'iPhone. Le home button est bloqué, on ne pourra pas se servir de Touch ID à moins qu'il modifie leur étui. C'est vrai. Donc, on sort les prix. Donc, ce sont les prix avec contrat 16 gigs, 32 gigs, 64 gigs sur un contrat de 2 ans. Donc, est-ce que ce sera les mêmes prix au Canada? Probablement. C'est les prix américains, là, mais ils sont très semblables ici. Ils seraient fous de vendre ça 249 $. Oui. Les étuis en cuir à 39 $ chacun. Est-ce qu'on a vu une photo passer? On s'est dit 40$. Ils sont 29 $, les petits étuis en silicone pour l'iPhone 5C qu'on a vu tout à l'heure. Puis 39 pour le 5S, mais ils sont en cuir, ça, pour le 5S. Je comprendrais, je comprends pas pourquoi on mettrait un étui en cuir comme ça. Un étui en cuir de couleur? Oui, en cuir de couleur. C'est un étui en cuir environnemental, friendly. C'est comme... dude, c'est de la peau d'animal. Ici, zéro chance que ce soit. Vous allez comprendre que je ne suis pas fou des étuis Apple, habituellement. Là, non. Il n'y a pas juste le Smart Cover que j'utilise. OK. Mais... Le Smart Cover pour l'iPad? Oui, mais j'ai une coque en arrière. Là. OK. Donc, il garde le iPhone 4S. Ah, tiens, il rajoute un rouge. Rouge, c'est quoi ça? C'est Product Red. Ah. OK. Donc, dans le iPhone 5C ou dans le... Alors, c'est Product Red pour les tuyaux. Ouais. OK. Donc, il garde le 4S. 4S, 5S, 5C, mais... Il discontinue le 5. Le 5. Ah. OK. Les précommandes pour l'iPhone 5C commencent le 13 septembre, dans 3 jours. Ça reste logique avec nos prédictions de lancement qu'on donnait tantôt. Depuis qu'il y a des précommandes, c'est-à-dire dernier modèle, le 20 septembre, c'est confirmé. Yeah. Oh, wow, vous êtes donc bien bon. États-Unis, Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Singapour, Royaume-Uni. On bullshit pas, nous autres. Canada. On est rendu sérieux, c'est plus un mois et demi plus tard, là, le Canada. Non. On est quelqu'un, presque. De toute façon, les serveurs de nos compagnies de téléphones cellulaires plantent encore la journée du lancement, mais au moins, on a le lancement en même temps que les États-Unis. C'est ça. Tu es capable de partir avec ton téléphone, mais il va juste fonctionner le 21. Oui, c'est ça. Toi, c'est-tu là, c'est quel. T'as-tu le 5? Oui, j'ai le 5. C'est-tu convaincant pour toi, ça, ou tu vas garder ton 5? Moi, je me fais un devoir d'avoir le nouveau téléphone. Oui, parce que toi, t'es le pape du Mac. Moi, je suis le pape du Mac. Mm. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Arcan. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que. Puis je veux aller fouler le nouveau plancher. Je veux aller rentrer dans la Mecque. Oui. Je pense que c'est bien que ce soit le pape du Mac qui rentre le premier dans la Mecque. Tu vas y aller pour être le premier? J'y vais tout le temps pour être le premier. Ah oui? Ouais. Le premier dans le fil, puis tout? Oui, le premier dans le fil, puis tout. On donnera pas notre secret. On est allé une fois. Il y a mon ami Jonathan Moreau qui était en avant de moi. On est comme une gang à être en avant. Puis lui, il avait déjà précommandé le téléphone. Fait qu'il a fait l'attente avec nous autres. Puis quand il est rentré, il rentre le premier. Puis il fait, t'as-tu reçu les smart covers pour les... Oh. C'est probablement ce que je vais faire cette année aussi. Donc, on peut l'annoncer. On va s'arranger pour... je sais pas si toi, tu serais disponible, mais on va aller faire la file. On va discuter de ça en privé parce qu'on s'est rendu sérieux, notre affaire. On a de la compétition. Puis l'année passée... Notre compétition est arrivée... On a failli se faire battre par notre compétition là, qui est en deuxième. Ouais, mais là, il est rendu avec 2 magasins. Il y en a un à Brossard, non? Il va-tu sortir là en même temps? Il y a 4 magasins. Il y en a un au Fairview-Pointe-Claire. C'est ça? Ouais, il y en a un à Laval. Il y en a un à Montréal sur Sainte-Catherine. Il y en a un à Brossard au 10-30. Ah. Fait que les 4 magasins vont ouvrir cette journée-là, mais la vraie ligne, c'est les real-to-real, c'est Sainte-Catherine. T'es dehors. Ouais. Le monde à Laval, il rentre dans le truc, ils bravent pas vents et marées. Le brasseur aussi, il y a une grosse section intérieure en arrière de l'Apple Store, puis j'ai l'impression qu'ils vont faire la file là, dans la petite section recouverte en intérieur. Ouais. C'est pas les vrais qui vont. C'est pas des vrais, non. C'est pas des vrais. C'est des. Mais, c'est des poseurs. En fait, les vrais de vrais, c'est ceux qui traversent le pont pour venir à Montréal puis à être au magasin de Montréal. Eux autres, c'est les vrais de vrais parce qu'ils risquent leur vie, là. Ah, round square seems to be absent from these home buttons. Ouais, c'est ça. Il y a plus de. Avant, il y a un petit carré là, sur le home button actuel. Ouais. Là, il y a plus de carré, là, justement, probablement à cause du lecteur d'empreintes digitales. Ils ne pouvaient pas rien dessiner dessus. C'est vrai. Mon Dieu, c'est tellement symbolique, ouais, c'est ça. Icône, c'est, ça c'est... Ben oui. C'est comme le petit logo Power là, sur la Mac. Hein, c'est... Y a un truc à propos des langues. Oh! And it's over. On va finir ça de bonne heure aujourd'hui. Oh. Non, c'est l'ad's over. C'est okay. Passer la publicité. Là. Mais ça va finir de bonne heure si ça ne dure jamais bien longtemps. Là. Peut-être une heure et demie. Là. Tim's est de retour. Est-ce qu'il y aura un One More Thing où on va récapituler? Ouais. On va fermer tout ça. Donc, nous, on va faire jouer un enregistrement du Coréen qui dit One More Thing avec son accent coréen. Il va annoncer. Hello, it's One More Thing. Nous espérons que vous aimerez ces nouveaux produits autant que nous Before avons aimé close, les créer. I'd like to return to music for. Il va peut-être avoir une performance, mais ce serait le fun qu'il annonce iTunes Radio au Canada puis ailleurs dans le monde. Il y a des gens pour qui ça a été activé. En fait, il y a comme l'écran a changé pour iTunes Radio. Ah ouais. Oui, je me demande s'il n'est pas disponible. Dedans, là, il me semble qu'on a vu, des gens dont l'icône avait changé. C'est pas ça, il marqué « We love celebrating with great artists », voir une performance musicale. Ouais, ça va être Miley Cyrus. Elle chante, elle? Miley Cyrus? J'ai pas rien. We've invited a guest this morning. C'est qui? Miley. Spans 3 decades and 29 albums. Cher. C'est quelqu'un avec 29 albums. Depuis 30... His Body, c'est un homme? D'après moi, c'est Prince. Non, c'est quelqu'un de pas trop connu ici. Rock and Roll Hall of Fame. Hein? Oui? Ah, ouais. Oui. Ah, ben oui. Oh! Monsieur Elvis a des meilleures sources plus rapides. Elvis Costello. J'ai jamais entendu une chanson d'Elvis Costello. C'est une légende, ce gars-là, il paraît, puis j'ai jamais entendu une petite toune de... Est-ce que tu es capable de nous faire entendre une toune de Elvis Costello? N'importe quoi, ou si on sait c'est quoi la toune qui chante, là? Je sais qu'il sortait un moment donné avec la chanteuse de jazz, là. Diana Krall? Diana Krall. C'est quoi ça? C'est Tweetbot pour... Tweetbot pour Mac, ouais. Pour Mac, ils ont ça? Ouais, ça c'est... on l'a acheté jour 1, 20$ le logiciel, ça vaut chaque scène. Ah oui, hein? À part le petit problème qu'on vient d'y trouver, que les tweets ne sont pas automatiques... C'est pas comme toutes les feeds qui sont mis à jour. Tu as le feed mention puis timeline qui est mis à jour en direct, mais les autres sont mis à jour aux 30 à 60 secondes à peu près. Ah, on a entendu Elvis Costello? C'est une toune connue? Ah ben oui. Dans quoi qu'on entend ça? Est-ce que c'est diffusé? Entendez-vous Beautiful Morning? Dans quoi ça joue? C'était pas Elvis Costello, c'était mon téléphone qui c'est quoi ça? Qui a de jouer de la musique. Je me demandais, ça ressemblait plus à du... Ouais, c'était plus... C'est pas, C'était du Rascals, OK? C'était pas Cher, pas en tout. Ouais, c'était A Beautiful Morning de The Rascals. Je pense que c'est sur la trame sonore de Austin Power. Je suis pas sûr. Donc, tranquillement, pas vite, le YouTube se vide. Vous êtes 354 encore en ligne. Dites-nous avec le hashtag Apple et le hashtag PodMQ. Est-ce que vous êtes sur le marché pour un nouveau téléphone? Est-ce que les nouvelles fonctionnalités semblent vous convaincre? Il y a beaucoup de gens déçus. Ah oui, déjà? Quoi? C'est exactement à quoi on s'attendait. Là. Quand même. C'est, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur à impressionner, tu sais. plus ça va, plus c'est juste des améliorations matérielles. Tu peux pas réinventer grand-chose avec un téléphone. Les gros changements vont être l'année prochaine, puis ont été l'année passée. Hein, c'est entre les versions. C'est l'iPhone 5S, c'est le qu'il annonçait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais même là, tu sais, du 4 au 5, c'était pas une grosse... Ah, ils ont agrandi l'écran, puis ils l'ont fait plus vite. Il y avait tout d'autres choses. Améliorer la caméra. Ils ont changé tout l'extérieur, apparemment. C'est ça, mais tu sais, c'est tout des upgrades, mais ils réinventent plus grand-chose. Comme là, j'étais encore surpris qu'ils aient fait ça, la biométrie. Moi, je pensais que ça aurait été... C'était un mythe, mais ils l'ont fait. Tu sais, là, ils ont pu réinventer. Comme là, après ça, quand tu y penses, tu te dis, qu'est-ce qui manque? Il manque plus rien à ce téléphone-là. Qu'est-ce que tu peux rajouter, là? Qu'est-ce que tu rajouterais à ce téléphone-là pour le... Mettons, pour le 6? Les trucs qui pourraient aller chercher. D'abord, Apple a une licence pour l'utilisation du Liquid Metal depuis un bon nombre d'années. Ils pourraient le fabriquer en ça et alléger le téléphone encore, mais c'est très, très cher, du Liquid Metal. Apple a un brevet aussi pour un truc que moi, j'avais trouvé assez brillant il y a quelques années de ça quand même, et c'était de mettre un pixel de caméra dans chaque pixel de l'écran. La raison pour faire ça, c'est que ton écran deviendrait ta caméra et au lieu de, comme tout le temps, en train de regarder les boobs de quelqu'un quand tu fais une vidéoconférence, tu serais en train de le regarder dans les yeux. Donc, au niveau du contact visuel de ce que donne une vidéoconférence, ça serait pas mal plus intéressant que ton écran soit une caméra que... puis, en tout cas, il pourrait éviter un paquet de problèmes. Mais tu sais, ça, c'est encore des affaires qui sont geeks, mais tu sais, du wow-ting pour quelqu'un de dire... là. Tu sais, tu peux plus inventer grand-chose. Moi, j'avais en joke, il y a quelques semaines, j'avais poussé l'idée de mettre un thermomètre laser dessus. Puis là, quelqu'un qui dit un thermomètre laser. Oh, oui, ton enfant se lève le matin. Oh, papa, je suis malade. Tidit! Tu fais pas de température à boire l'alcool. Ah, ça ouais. Serait écœurant. Ah ouais, ça serait bon. Hein? Ce serait pas un wild thing. Ce serait juste comme une niaiserie geek. Là. C'est comme... Tu vas voir ça peut-être sur un des modèles LG, tu sais, mais Apple ferait pas ça, à moins qu'il y ait vraiment comme, tu sais, quelque chose de plus avec leur écosystème. L'Apple Store en ligne est de retour. Je sais pas si on peut le montrer à l'écran là, pour voir un peu de quoi ça a l'air. Le iPhone 5C est vendu 549 $ pour le 16 gig et 629 pour le 32. OK. Ça, c'est sans contrat. Sans contrat. Sans contrat. Ouais. 549, 649. C'est cher. C'est très cher. C'est très, très cher. Mais je pense que... Ben, ouais. Mais il est vendu, d'après ce qu'on voit, il est disponible débarré seulement pour T-Mobile. Si on veut l'acheter avec AT&T, Sprint ou Verizon, aux États-Unis, en tout cas, on doit l'acheter barré. Fait qu'on va l'acheter avec Sprint, avec T-Mobile. T-Mobile. Ouais. On va pouvoir l'utiliser depuis d'autres ans. Je suis sûr que tu vas aller aux États-Unis t'acheter un téléphone pour pouvoir l'utiliser sur Vidéotron. Oui, je vais aller à pied, je pense, même. Tellement je suis excité. On rappelle aux gens qui sont en ligne que Mac Québec produit un podcast aux deux semaines. C'est encore pire au Canada. Là. Excusez-moi d'être négatif, là, mais c'est 599 pour le 16 gig et 719 pour le 32 gig. Oh au Canada. My God, come on, là, c'est un téléphone. 700. On va voir le 5S, il est 719 le 16 gig, 819 le 32 gig et 919 le 64 gig. Oh, il n'y a pas de 128 gig. Non. Oh my God. Qui serait au-dessus de 1 000 $ selon les. Qui en fait des beaux sites animés comme le Mac Pro. Ah. Ouais, le site serait animé là, comme lors du lancement là, du Mac Pro. Avec quand tu passes ta souris dessus, il se déplace, ouais, tout ça. On va aller voir les étuis, de quoi ça a l'air. J'allais mentionner que Mac Québec produit un podcast aux deux semaines. Le prochain aura lieu, Jean-Michel, le... 24 septembre, mardi le 24 septembre. 24 septembre, où en fait, il va peut-être être remplacé par celui du 20 septembre. On va voir, mais habituellement, peut-être, on fait la ligne, ouais, on en fait un. Le podcast en plein air. Oui, voilà, le podcast en plein air. Apple ne croit plus non plus à la parité du dollar US et canadien. Le case pour l'iPhone 5C qui est détaillé 29 $ aux États-Unis, ça vend 35 au Canada. Oh. 39 $ pour l'iPhone 5S, ça vend 45 $ au Canada. Dommage. Le dollar canadien qui est à 96 sous actuellement, je pense. Ouais, c'est similaire, je trouve. Ouais. De toute façon, il va remonter bientôt. Mm-hmm. Donc, on produit un podcast aux deux semaines. Le prochain sera le 24. C'est un podcast où vous pouvez avoir toutes vos nouvelles du monde Apple. Le prochain sera quand même assez rempli. En fait, les deux prochains. Mm-hmm. On répond aussi à vos questions en ligne. Donc, vous pouvez nous rejoindre en studio via Twitter. On reprend, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais on reprend la diffusion via Spreecast. À partir du prochain podcast, que la discussion est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus rapide sur Spreecast que sur YouTube. Donc, s'il y a des gens de Google qui nous écoutent, améliorer ça, on va retourner avec YouTube. Mais pour Ce qu'on aime, finalement, c'est pouvoir interagir avec les gens. Là, des fois, on parle de quelque chose puis on donne pas nécessairement les bonnes informations, on fait une erreur. Mais là, on se le fait dire par nos auditeurs puis on peut corriger le tir. Ou bien nos auditeurs ont des points intéressants à amener. Là, donc, on peut discuter là, avec eux, là, finalement. Là. Sur YouTube, le chat n'est pas assez rapide pour ça. Donc on parce qu'il y a un délai pour l'encodage. YouTube est un excellent service, mais il y a un délai pour l'encodage puis ça ne répond pas à nos besoins là, dans cette... Exactement. Donc, on répond à vos questions en ligne et vous pouvez, si vous écoutez en direct et poser des questions en direct, on ramasse toujours des codes promotionnels, des codes pour aller chercher des applications iOS ou Mac sur les App Store. Donc, si vous participez, en fait, vous avez une application gratuite. L'action est rendue en dessous de 500 $. En dessous de 500 $, elle a pris une drop de 8,37 dans le dernier moment. L'action, en fait, qui ne suit pas du tout ce que Apple fait. Moi, ce téléphone-là, pour les... en fait, les gens qui vont changer de téléphone, c'est les gens qui ont un iPhone 4S ou un iPhone 4 actuellement. C'est ça, ouais. Et qui vont gagner beaucoup en allant avec un iPhone 5, autant au niveau de la performance, de la qualité de photographie, autant au niveau de la sécurité. Évidemment, en fait, tu sais, le bouton, là, t'as demandé tout à l'heure, ça va-tu ouvrir iTunes, ou c'est Jean-Michel? Ben, tu sais, un achat est encore plus impulsif si tu n'as pas à rentrer un mot de passe. Ouais. Fait que tu vas toucher ton bouton. J'ai... J'ai activé OneClick sur Amazon. J'ai plus besoin de rien faire. Là, j'ai le bouton OneClick. Puis là, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Okay, je clique là-dessus. Puis là, je me rends compte, je reçois 12 emails. Là, ben là, j'attends 12 boîtes là, la journée d'après. Là, le gars là, de UPS qui va venir avec son diable, là, avec toutes mes boîtes. Là, comme... En tout cas. C'est impulsif, le rendu là, sur Amazon. On aimerait aussi remercier nos commanditaires de la journée. Ils sont au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Donc, ReptileTech, qui a fait un job incroyable, en fait, pour rétablir le site web en début de transmission. On aimerait remercier aussi les gens de iRepair Montréal, où si malheureusement vous brisez votre appareil iOS, vous pouvez aller le faire réparer, et ce, pour beaucoup moins cher que chez Apple. On a une pub pour eux autres? Oui. Est-ce qu'on a une pub rapidement qu'on peut diffuser? Les gars en régie. D'ailleurs, on va... Cette couverture de la conférence d'Apple est offerte en partie par iRepair Montréal. iRepair Montréal, la référence en produits Apple. Répare, achète, vend et personnalise tous vos appareils. Venez nous visiter au 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest, suite 101, entre les rues Drummond et Stanley. iRepair Montréal, fier commanditaire de Mac Québec. Et qui a une belle voix. C'était la voix de Bernard Ouellet, moi je l'appelle le Métatron des podcasts au Québec, mais personne catch la référence. Métatron, c'était la voix de Dieu. On l'apprend dans un film de Kevin Smith avec Ben Affleck et... Métatron? Oui, c'était Alan Rickman qui jouait le personnage. Parce que Dieu, s'il parle, sa voix est tellement grande qu'il t'éclate la tête puis toi au complet. Fait qu'il y a un ange qui s'appelle le Métatron. Qui est la voix de Dieu. Lui non plus n'a pas catché la référence, qui est très, très obscure. Tu me surprends sur ce que tu connais. Ouais, j'aime ça, moi, la culture générale. Ben oui, c'est plus culture générale, pantoute. Ouais. Ça, là, c'est assez... Mais je suis geek, je l'ai dit au début de l'émission, t'as pas vu? Oui, t'es le geek. Si on regarde sur Twitter, on a plusieurs commentaires des auditeurs. Si on en regarde là, dans l'ordre, là, on a l'Anobody qui mentionne « Je vais changer mon iPhone 4 pour le 5S, c'est certain ». C'est la latitude là, à adopter, là, je crois. Là, ça va être un bon changement. Sinon... Si vous avez le 5 actuellement, est-ce que c'est un achat? Est-ce que ça vaut la peine? Non. Non. Non. Pas pour un 5. Moi, je vais le faire. Mais non, ce n'est pas un achat. Votre appareil n'est pas rendu désuet. Les quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées ne font pas une cassure avec l'appareil d'avant, ne le rendent pas désuet. Peut-être comme... C'est quelque chose, en fait, que Apple fait très, très attention, parce qu'entre le 3G S et le 4, il y avait eu quand même quelque chose d'assez important. Beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, Jean-Michel? Qu'est-ce qu'on a ici? Je regardais, mais je répondais à quelqu'un sur iMessage. On vous rappelle que vous pouvez aller sur le iTunes Store, taper Podcast Mac Québec et laisser vos commentaires là-dessus. Vous pouvez nous parler à travers la page Facebook de Mac Québec. En fait, voici, je vous fais passer encore la voix de Bernard. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Voilà. Et Il y a des gens qui trouvent les prix élevés sur Twitter. Oui. Très élevés. Très élevés. Ça va être la critique, la principale critique, là, j'ai l'impression. Ouais. C'est les prix sans contrat. Et comme les lois au Canada ont changé et qu'on oblige maintenant à pouvoir laisser partir le client après deux ans, d'après moi, les compagnies vont jouer là-dessus pour offrir des subventions moins élevées aussi. Donc, on pourrait se retrouver avec des appareils qui sont plus chers, ou peut-être qu'on va passer à un système un peu comme en Europe où on paye un petit montant pour payer l'appareil sur une période de 2 ans à chaque mois pour se rendre compte combien est l'appareil. Donc, peut-être que ça pourrait être quelque chose sinon, comme on a ça. Jean Lapierisme qui nous dit sur Twitter, peut-être qu'ils vont mettre les Touch ID sur le MacBook Pro et Air. C'est justement quelque chose qu'on discutait avant le début de la diffusion. Effectivement. S'ils venaient à mettre ça sur iPhone, iPad, ça va probablement être intégré à tous les appareils Apple pour justement faire quelque chose d'unique. Un peu comme le Keychain in the Cloud qui va sortir. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas mentionnée au début là, parce qu'on n'a pas parlé de Mavericks. Mais puis ça fonctionne très, très bien, hein, le iPhone, le Keychain in the Cloud. Mm-hmm. Donc, il te demande, en fait, à chaque fois que tu rentres un mot de passe, si tu veux le sauvegarder, il est envoyé dans le cloud et autant sur tes appareils iOS 7 que Mavericks, il va se rappeler de ce mot de passe-là. Donc, quand tu les rentres dans ton ordinateur, quand tu arrives sur ton téléphone, il va être, tu sais, le touch, ID va être connecté à ça. Fait que quand tu arrives sur un site, au lieu de rentrer ton email à chaque fois, tu vas juste avoir besoin de peser, ça va rentrer les informations, puis tu vas rentrer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec l'authentification à deux facteurs. Oui, Apple offre ça maintenant. C'est vrai, je ne l'ai pas activé sur... C'est quoi? C'est authentification. C'est comme Google offre depuis plusieurs temps. Déjà, tu rentres ton mot de passe, puis après ça, tu dois rentrer un code, soit que ce soit par l'application Google Authenticator ou par message texte, là, pour confirmer vraiment que c'est toi. Ah. Un code de 4 chiffres qui arrive sur ton téléphone à toi, donc théoriquement, personne d'autre peut rentrer là-dedans. Moi, je l'utilise sur Dropbox puis Google. Ouais. C'est justement avec l'application Google Authenticator qui a été mise à jour cette semaine. Oui. C'est sécuritaire, puis c'est pas vraiment plus long là, pour se connecter, là, parce que tu as quand même l'option là, de autoriser un ordinateur permanent, comme mon ordinateur ici est autorisé, mais quand j'arrive à l'école, un ordinateur à l'école, là, je dois rentrer là, le deuxième code. Là. C'est sécuritaire. Moi, j'aime ça. Sinon, iPhone 5C, iPhone 5S... On a Marc-Antoine Bertillon, membre de notre équipe, qui nous fait remarquer que le prix du iPhone 5C est 100$ moins cher que le prix du iPhone 5S. La différence de prix entre le 16 et 32 de chaque modèle, c'est 100$. Mais, tu sais, faire un téléphone en plastique, ça peut pas enlever plus que, tu sais, plus qu'une coupe de pièces, là. Oui, mais le téléphone en plastique, il a pas la technologie... Touch, non. Non. Tu sais, il y a quelques affaires qu'il y a pas, quand même. C'est vrai. C'est pas une grosse différence. Sinon, messieurs, on va être disponible sur les médias sociaux pour répondre à des questions, pour répondre... moi, j'ai 34 entrées, en fait, sur Tweetbot et quelques emails. Hey, moi, je veux plugger mes affaires. Là. Ben oui, c'est ça. C'est là qu'on s'en va. t'inquiète. Ouais, je veux plugger mon stream d'asseoir. Ça va être le fun. Yann Thériault, qui était avec nous aujourd'hui en remplacement de Jean-François Roy. On avait besoin de quelqu'un d'énergique, de dynamique. De toute façon, Jean-François, il est poche. Hein? Non. Oui, il est poche en maudit. Non. J'ai été meilleur que lui. Hein? Tu trouves? Ah oui, j'ai été meilleur que lui. He knows shit. Je l'agace. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, mon Yann? Sur Twitter, Crapule avec un S. Et puis mon site web, yannterriot.com. Puis ce soir, je fais un stream avec probablement Dan Delorme et Hacham Seb. Puis donc, c'est pour une raison ou une autre. C'est du divertissement, il y a de la musique, on parle de toutes sortes de sujets, c'est candide, il n'y a pas de censure, c'est vraiment des discussions très... très ouvertes. Très ouvertes, c'est bien, bien le fun, on parle de tout. Excellent. Jean-Michel, où peut-on te trouver sur les intertubes? On peut me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily. Et puis, comme au WWDC, j'ai gagné plein de followers. Aujourd'hui, je suis rendu à 120. Oh, peut-être bravo. 110 là, au début de la journée. Bravo. T'es rendu à 110 followers? Non, 120. 120 sur Twitter? Oui. Ah, oh, c'est bon, ça. C'est bon. By the way, je voudrais souligner kudos à Jean-François qui a le clout le plus élevé de l'équipe Mac Québec actuellement. Donc, je pense que ça fait quelques semaines qu'il dort plus. Non, Jean-François Roy. Il est à combien? 68. Mais tu es un petit peu plus élevé que lui, je pense. Moi, je suis à 70. Ah ouais? Tu vois, il est poche. C'est pour ça qu'on t'a invité à cause de tes deux points de clout de plus. Messieurs de la régie, où peut-on vous retrouver sur les intertubes? Au fcmtl.com. Prends le micro. Prenez le micro, messieurs. Ah, c'est moi qui prends. Oui, donc, vous pouvez retrouver toute l'équipe du Front créatif de Montréal au fcmtl.com et au monstudioaucanada.com pour notre web-série. Fait que, allez voir tous les articles à chaque jour sur la vidéo, les caméras, le montage, compositing, les effets, l'animation, plein de trucs captivants, en fait. Puis c'est ça. Fait que ça nous a fait plaisir d'être ici puis de faire la technique, d'être derrière les caméras. Ça fut bien agréable. Êtes-vous payé? Et vous payes-tu, Alexis? Oui, oui, on a une bouteille de Pepsi. Ah, toi, j'ai même pas eu ça, moi. À partager. Ouais, ouais, à partager à deux, hein, pas de deuxième, là. J'ai même pas eu ça, moi. T'as-tu eu quoi, toi? J'ai des Mr. Freeze dans le congélateur. Ah, t'as des Mr. Freeze, c'est pas pire, c'est OK. Voilà. Non, j'ai rien eu, j'ai amené un café un matin. En plus. Toi, j'ai même pas eu ça, moi. Puis un fil que j'y ai remis. Ouais. Donc, merci les gars. Ça a été super de faire la diffusion avec vous. On remercie les gars de Cacao Cast aussi qui nous ont donné un bon petit reportage. C'est quoi sur... Cacao Cast? C'est un podcast sur les développeurs. C'est un podcast Apple, mais sur tout ce qui est développement. Ah, donc, okay. Ils donnent des idées de sites web pour aller créer des bases de données que tu vas pusher dans ton application. C'est très, très geek. C'est très, très poussé, mais c'est fort intéressant. Puis, ces deux gars qui font des podcasts depuis très longtemps sont rendus à l'épisode 111 quand même. Fait qu'on vous les recommande. On a été aidés par beaucoup de gens aussi qui ont retweeté nos choses sur Internet. Oui, merci beaucoup à ceux qui nous ont retweeté aujourd'hui puis qui ont retweeté, oui. Voilà. Et sinon, on se retrouve... On va se retrouver toute l'équipe le mardi 24 septembre ou le 20. Oui. Mais ce soir, par exemple, il y a d'autres choses. Ce soir, il y a d'autres choses. Si vous voulez continuer à rendre à la maison, Bernard Ouellette et Jean-François Roy vont animer un iPhone 5 C5S Aftermath, les retombées à combien est rendu l'action, jusqu'à combien elle va tomber. À voir la réaction des gens. Ils vont avoir du stock à parler, là, j'ai l'impression, ce soir. Mm-hmm. Mm-hmm. Eux autres, ils ont une chemise? Est-ce à eux autres? Ou bien il faut qu'ils redonnent comme moi? Hey, gars des vues, là. On n'a pas plein là, des chemises. Tu parleras à Prod Extreme sur Twitter. C'est lui qui nous a fourni le swag. Ah ouais? Oui. J'aime ça, moi. Je me trouve beau là-dedans. Ben oui. C'est-tu, je regardais les photos tantôt. On a de l'air de... Tu sais, ceux qui suivent... ceux qui sont dans les paddocks là, pour la F1, là, on a de l'air de c'est comme... le concept. Ça fait 8 ans que j'avais cette idée-là, moi. Ah oui? C'est ça que c'est mon idée de faire quelque chose comme ça. Je voulais qu'ils soient en velcro pour pouvoir les enlever, tu sais. Tu nous sponsors plus, tu fais plus de sponsorship. Hey, c'est bien wise, ça. Ouais. Ouais. Mais finalement, on l'a fait comme ça par contrainte de temps puis d'argent. Là. Ça coûtait une fortune faire ça. Ils sont très beaux, en tout cas. Oui. Je pense que je vais m'en faire faire. Fait que voilà. Et. On m'en fait faire de brancher vous juste pour te faire chier. Ha ha ha ha ha! Excellent. Ça va être le mot de la fin. On vous dit salut à tous et on espère vous voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a dit que la diffusion ce soir, c'est sur macquebec.com/en-direct, comme aujourd'hui? Ouais. La page va être modifiée, vous allez pouvoir les écouter à compter de 21h15. Ouais. Laissez-la ouverte tout de suite après Unité 9, effectivement. Ouais. Laissez-la ouverte et puis le feed va commencer de lui-même. Mais Unité 9, de toute façon, Unité 9, là, je veux juste rappeler aux gens, c'est probablement la dernière épisode. Non, on a vérifié, il y a quelqu'un qui nous l'a dit sur Twitter. Ouais? C'est un nouveau show, hein. C'est un nouvel épisode. Ah, ouais, mais de toute façon. Hein? Marie est en dépression. Elle est en dépression, elle est en boule dans... Elle est au trou, là. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Il y a Booba aussi qu'on va voir ce soir. Bon, on dit que c'est bon, cette série-là. Hein? Il y a la facture à 19h30 aussi qui recommence. Fait que moi, je te suggère de 9h15 à 10h15, ça va être Mac Québec. Je te suggère de commencer ton show à 10h15. On commence à faire des auditeurs. On est rendu à 173. Il y en a quand même 173 qui nous écoutent depuis tantôt. Oui. Ouais. Fait qu'on va finir ça là. On va arrêter de tirer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire? Non, que j'avais peut-être tout, oublié. Là, ouais. On a fait le tour de notre monde. Excellent. Hey, merci beaucoup, tout le monde. C'était bon, le fun. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Un gros risque que tu prends, pareil? Non. Non? Non. Mais en tout cas, ça, je remonte la cote de. T'sais. Ah, tu reprends du geek cred. Oui, hein? Oui. Ouais. Puis j'apporte beaucoup à votre. Ben, les questions étaient pertinentes. Je suis sûr que c'est des questions que les gens se posaient. Puis il y a plein de monde qui ont tweeté que j'étais une vraie encyclopédie. J'aime tout le temps ça. Ça me flatte l'ego. Tu sais, c'est comme Félix et Ciboulette. Moi, je suis le cave, fait que je suis comme Ciboulette, puis toi, t'es Félix. Il était même pas beau, Félix. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans 4,5. Hey, on va arrêter ça tout de suite. On remercie les 22 personnes qui ont mis un thumbs up sur YouTube. On demande des explications aux 5 qui nous ont donné un thumbs down. Oui, puis d'ailleurs, il y a le karma qui s'en vient vous chercher. Merci beaucoup, tout le monde. Salut. Bye.